de fam aga kaila. La pa ni person ka de kon. Tete le fam lan ka chape. Sou pa valide foute yo la pe. Me ya te fè sale. Me ya te fè sale. Le bouga chou, le koba en fè. Pouko chou, dine sa alese. Kaila ble de bonbon. Les mix de DJ Sound font claquer le bifort sur 3FM. Sound mix tes hits préférés sur Trace FM. It's about that time. What time is it? On s'équipe, les gars. Appuie sur le bouton. Quel bouton? Quel bouton? Il y en a des millions de boutons. C'est parti. C'est nous. Vous êtes quoi, une bande de super-héros? Lui, c'est Yannick, notre chef qui n'a peur de rien. On les vanne, on les piège, il faut que ça saigne. Nessie, c'est la brute épaisse. Pourquoi moi? Pourquoi vous m'embêtez, les gars? Enfin, bref, passons, Sabri. C'est un vrai génie. Et moi, c'est nous, le double H élégant et irrésistible. Et mec, ça te dérange pas si on démarre l'émission? Bref, on est la génération 9-7. Lancement. Trace. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Prends la parole dans la première libre antenne des Antilles Guyane. Génération 9-7. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Salut. On est dans une config un petit peu particulière ce soir, ce mercredi 28 septembre. Vous êtes à l'écoute de Génération 9-7, ça se passe sur Trace comme tous les soirs. Une émission où on console nos solitudes toute l'année. Et puis particulièrement ce soir... En mode tempête, j'ai presque envie de dire, tu sais. C'est pas juste envie de dire d'ailleurs, c'est pas une simple formule. En l'occurrence, beaucoup de gens sont posés à la maison, évidemment ne prenant aucun risque par rapport aux intempéries. Ça concerne évidemment particulièrement la Martinique qui ramasse un maximum. Ça concerne aussi par contre la Guadeloupe qui essuie quand même quelques pluies et quelques orages. Les dégâts par contre se constatent plus du côté de Mada. En Guyane, effectivement, pas concerné par l'événement, mais ça nous empêche pas en fait d'être là ce soir. Par contre, tout le monde n'est pas là. En effectif réduit, quoi. Ouais. Donc j'ai choisi de démarrer cette émission sur la musique The Day After, sauf que c'est le day pendant. Ça se passe en ce moment même. Où que vous soyez, Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous vous connectez 0820-203-200 pour nous dire si tout va bien. Il y a quand même des manifestations assez impressionnantes qui tournent sur les groupes WhatsApp. Notamment, on voit des arbres couchés, on voit 2-3 dégâts, et particulièrement du côté de la Martinique. On voit par exemple des arbres qui sont carrément en plein milieu de la route. Est-ce que ça se passe bien de votre côté? Hashtag G97, hashtag Trace FM. On sait très bien que aussi il y a forcément le risque que certains d'entre vous n'aient pas d'électricité ce soir. Donc c'est vrai qu'on va repasser en mode un peu entre guillemets primitif avec le poste radio, tu sais, qui marche à pile. On va se connecter avec vous parce qu'il y a encore du réseau, visiblement il y a encore 10 heures d'autonomie, même si visiblement Taz, une partie de la Martinique est déjà un petit peu privée d'électricité. Ça se passe où? Quelle commune? Exactement, bah ça se passe du côté de Sainte-Luce, du Robert, du Lorrain, du Marigot. Et aussi les administrés qui sont du côté du Gourmand vers Saint-Joseph. Ok, bon, écoute, en Guadeloupe, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a de l'électricité? Je demanderai pas de l'eau parce que vous en avez demandé toute l'année par rapport aux différentes coupures d'eau. Là, il y en a un peu avec la pluie. Bon, elle est pas potable celle-là, je crois. Hashtag G97, hashtag Trace FM ce soir, nous avons Hugo. Nous avons, ouais, Hugo. Ah oui, il y a moi. Oui, bonsoir. Mais Hugo, en fait, pour vous expliquer, il va pas être dans son état normal ce soir parce que nous n'avons ni Keshi, ni Sabri que nous allons connecter par téléphone, ni Nessie non plus, ni Lilou. Je crois qu'on a déjà Sab du côté du standard. Sabri. Yes, yes. Ça va? Il fait yes, yes. Tranquillement, posé à 15, j'attends que vous raccrochiez pour me connecter sur Netflix. Non, c'est pas Netflix, c'est très bien que j'utilise des réseaux de streaming un peu différents. Ouais. Ah, tu parles de des trucs de porno? Bah oui. Oui, mais tu vas pas pouvoir tuer le temps pendant 3 heures d'émission, tu sais, ton corps a des habitudes. Ton corps, il vit des choses tous les jours. Il est enduré pour ça. D'accord, ok, ça marche. Bon, pas trop de dégâts de ton côté, mec? Alors de mon côté non, il y a l'arbre à pain par contre qui a perdu tous les frappes, hein, donc demain matin je vais faire la récolte. Au moins il y a des vivres, il y a de l'alimentaire. Et puis il y a l'avocatier apparemment qui menace de faire la même chose, donc pareil, demain matin, sac cabas, et puis je vais manger. Hein. Ouais. T'as forcément été comme nous dans notre groupe, on a échangé pas mal de photos, pas mal de vidéos de ce que les gens ont pu capter, ouais, comme moment. Alors il y a même des gens, on connaît des gens qui ont fait les touristes. On connaît des gens qui se sont dit ah bah tiens, je n'ai jamais vu une tempête de près. Je vais y aller. Effectivement. Je vais aller voir. Il y en a qui sont allés sur les bords de mer, effectivement. Tout à fait. Qui ont été prendre des photos, des vidéos, filmer la houle, parce que c'était quand même assez démonté. J'ai des potes qui sont allés surfer. Alors bon, ils m'ont dit au final c'était pas si gros que ça. Et puis finalement la mer était plus dégueulasse que. Avec de belles vagues, donc peut-être un peu de déception de ce côté-là, du côté des surfeurs. Ok. Hashtag G97, hashtag Trace FM. De toute façon, toi, t'es avec nous sur le web. On va se connecter, hein, parce qu'on va tuer le temps, yeah, évidemment, pendant le passage. On est en plein pic, hein, apparemment, là. Visiblement, ça a commencé depuis 16-17 heures, en fait, et on est en plein dans le pic, en fait. On est en plein dans le pic. La tempête vient de passer, en fait, côté Caraïbes. Elle a franchi l'arc antillais, mais par contre, justement, on est dans la queue du phénomène, et on sait tous que la queue est beaucoup plus puissante que la tête. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va essayer de vous donner le sourire où que vous soyez. De toute façon, on va prendre de vos nouvelles où que vous soyez également. Parmi les présents dans le studio, il y a le stagiaire qui a pas vraiment eu le choix. Il est resté bloqué toute la journée. De toute façon, j'ai dormi là. Alors, il fallait bien que j'y reste. On a Taz qui fait pas partie de l'équipe normalement, qui je crois fait partie de l'équipe de nettoyage des bureaux, qui a envie de faire un peu de radio ce soir. Donc du coup, on l'a recruté. On a Tijo derrière les platines. Ouais, Tijo ça. Il y a Nessie qu'on va appeler dans un petit instant. Nessie, elle est déjà là, je crois. Salut, oui, Nessie. Oui, salut Nessie. Ça va? Salut, la forme? Ouais. Ça va? Ah, entends-moi la connasse, là, sous sa couette. Entends-moi la connasse. La nana, elle a dû nous dire, oh mon Dieu, les gars. Oh mon Dieu, il y avait trop d'eau devant chez moi. Les routes sont coupées. Il y a vraiment coupées. De l'eau. Il y a vraiment beaucoup d'eau. Ouais. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Alors, c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que concrètement, t'es bloqué chez toi. C'est ça qui se passe, en fait, Nessie. Je suis chez ma belle-mère. Ah, très bizarrement. Et ton copain travaille ce soir ou pas? Oui, il est bloqué. Ah, malheureusement, il n'est pas avec toi, alors. Non, mais j'espère qu'il va arriver dans pas longtemps. Ah, donc ça veut dire que la route n'est pas si bloquée, alors. J'attends qu'il puisse se débloquer. Tout à fait, que la route se débloque. Hashtag G97, on passera un petit coup de fil à Lilou. Ça veut dire que ce soir quand même, on tentera de se détendre avec le Hey Baby Allo. On va tuer le temps, ça c'est clair, parce que bon, bah c'est un mauvais moment à passer. Bon courage à ceux qui n'ont pas d'électricité, ceux qui sont connectés avec nous sur les anciens postes radio 0820. 23 200. Vous nous filez juste votre numéro le temps qu'on puisse vous rappeler. On prend les communications à notre charge ce soir, juste histoire de s'ambiancer un peu et de passer le temps pour que la nuit passe plus vite aussi et qu'on s'ennuie moins chacun de notre côté. Nessie, Sab, à tout à l'heure. Les platines sont branchées aussi. Là, quoi qu'il arrive, qu'il vente, pleuve ou tempête, le mix est là désormais dans Génération 9-7. Tijosa, on en va se démarrer avec un petit Lil Wayne, Sucker for Pain, et on revient juste après sur Trace FM. Take my hand through the flames. I told you, I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. I'm pushing from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. Been at it with my homies, it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squads. I've been riding around the city with my squad. We just close to getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fam, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what up, I know what up. It been a minute. Here she go with all that. Where you been in? I been at it, trying to get it. Gotta admit it, I look good with it. You would look good sitting in my car when I start the engine. Left my impression on her greater than my grand entrance. Now she wrapped up in that jet living. Imagining herself in a wifey position. Naked under aprons in the kitchen. While I'm blazing something amazing, playing the next mission. She shared my doubts with her vision. She found it in that fine print. Contract, big business. Too late on the wicked with the money, Vinny Bokaya has. Hold on, pas take a pass, reggae music, take a mix, happy trap on you. Hear me now, beautiful baby, not the good morning. Ça y est, loin de avec mon alias feeling. Y'a des bonnes vibes, y'a de l'amour dans l'air. People, soyons unis jusqu'au bout de la nuit. People, soyons unis jusqu'au bout de la nuit. Pick up, my legs are yellow like a matter of Justin. I'm gonna let me come up on the chat. Roll up your gun in a day, just we are the done. Move your body, we come, we are the judge, I do. Well, my two, well, my chest, I yell up on the wall. No, do, do. Ni vous ni moi, pas y'a dans sa sa, tout ça, et nous t'es beau, mais tout. En faire la paix, nous faire plaider, en faire souffrir, mais tout déchirer. Ensemble c'était pour toujours. Nous passer l'année galère péripétie. Et pourtant forme un seul coup. Pour décider qu'elle qu'aimait tout seul. Jalousie à mon effet mauvais conseil. Fait qu'elle brande, on doit chercher confort. Mélodie, Quand une señorita s'y prend de l'offre pour un pistolero, et devant lui son corazon fonde comme une glace au lego. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara de Bognac, la Juliette à Romeo. Quand une señorita s'y prend de l'offre pour un pistolero, et devant lui son corazon fonde comme une glace au lego. Et quand leur partition s'accorde, ils dansent sur un même boléro. Milena Ferrara de Bognac, la Juliette à Romeo. On ne voulait pas que le blanc et noir se mélange comme dans les oreillos. Ils voulaient vivre leur love comme un monomère stéréo. Il appelait Mia mort, pour elle il était bien plus qu'un héros. Un bon vieux coup de foot qu'avait pas prévu la météo. Une relation bizarre comme dans Juliette et Roméo. Fallait esquiver les embûches dans la matrice comme Néo. Avec la famille fallait mettre des fins, donner des sombreros. Se recevoir en juste pour qu'il contemple la mise en paréo. Elle était vraiment pleine d'oseille et lui un enfant de la pègre. Elle avait un nom royal et lui juste un nom de nègre. Les chances de tomber love au départ étaient tellement maigres. Et leur histoire a failli plein de fois tourner au vinaigre. Génération 97. Déjà plus toute tête qu'il a mon scène next level. Comparavant que je le baille ouais y'a pas même modèle. D'abord si tout comment c'est l'incompo. Le bitouin qui m'a pas dit shot là yo savait en plus. Sa capuche moi c'est qu'elle est venue moi from long time. Car on paraît pas sur tant qu'il a mon cabaye. M'obligé prendre big distance que y'a. Le bitouin qui m'a pas dit shot là yo savait en plus. Moi j'ai compris tout ce qu'il a gardé yo. Aux alentours bridge il n'a fait qu'il a crié. Moi j'ai compris tout ça va. Gardé tout ça fait qu'il a crié. Gete you pas mélangé que yo pièce dans mon yo faut ma chasse ma dame. Bayou mon Il y a du real mix dans la radio, il y a du real talk aussi. La radio est libre, on fonctionne ce soir malgré la situation. Grosse intempérie du côté de la Guadeloupe. Et puis une situation évidemment un petit peu plus intense aussi du côté de la Martinique. On est pile poil en plein dedans, mais on console nos solitudes évidemment ce soir avec un seul numéro de téléphone, 0820 203 200. Les mix de Tijo Sound, il y aura du canular aussi tout à l'heure. Et puis on vous appelle, on prend de vos nouvelles où que vous soyez. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Balancez les photos également que vous avez pu choper tout au long de ce phénomène depuis le début que ça a commencé. J'espère que tout va bien de votre côté. Bon courage à ceux particulièrement qui sont privés d'électricité au moment où on parle. Yo pièce dans mon dos pour ma chasse, ma dame, ma dame. Bah you mon love, dans ton high, dans ton basse qui moune, qui la donne à dame. On me voit tout. 3 heures de libre expression. Génération 97. La plus grosse libre antenne des Antilles Guyane sur Trace FM. T'attends quoi? Débarque au 0820 203 200. Bon alors j'ai une question là. Oui. Contre toutes les recommandations en fait, quand on vous a dit de rentrer chez vous, machin, etc. Vous avez décidé de rester. Vous êtes dit ça allait être héroïque, applaudi, je sais ouais. pas. Ouais, ouais, ouais. Un truc dans le genre. Non, ouais. En fait, moi j'étais là depuis ce matin. Du coup, ouais. Je suis pas rentré chez moi. Non, mais toi, on sait là, que t'as pas de maison déjà. t'avais rien à défendre. Le mec, sa maison, c'est le studio. En fait, c'est là, il dort là, il mange là. J'espère qu'il ne fait pas tout. Non, là, mais il y a des gens pour défendre la maison. Tout à fait. Bah, on est là. Tout le monde n'est pas là, mais pour autant, ils sont bien, bel et bien, en train de défendre la maison. Notamment, hashtag G97, hashtag Trace FM. Il y a Sabri qui est avec nous du côté du standard. Sabri, allô, tout ouais. va bien? Cool. Ça, bien, tranquille. Ça fait quel effet de faire l'émission comme ça à distance? Mais on est superposé en fait, tu vois, je suis superposé. On est tranquille, je suis ouais. beaucoup plus à l'aise que dans tel le que je te connais, tel que je te connais, t'es ouais. en train de faire en l'émission. Plus, je peux régler la température moi-même, je suis pas dans ta clim, voilà. tu vois. Voilà, mais je sais que tu es tout nu, je sais que tu rêvais de faire cette émission tout nu, je sais qu'il y a ton sexe qui traîne quelque part dans le salon pendant que tu nous parles au téléphone. Oui, ils prennent le salon et moi je suis dans la chambre. Hashtag G97, hashtag Trace FM. On va faire un petit point oui. sur la tempête dans un petit instant. Hashtag G97, hashtag ouais. Trace FM. Vous nous appelez aussi 0820 203 200. Juste prendre des nouvelles, juste vous occuper aussi. Parce que mine de rien, il y a quelques heures à passer. Ça s'adresse aussi particulièrement à ceux qui sont privés d'électricité, c'est certain. Il doit y avoir encore moins d'activité de ton côté. Après, pour ceux qui ont encore la connexion internet, machin, etc. On vous voit, il y en a 2-3 là. Il y a Lilia qui est connectée avec avec nous. On a Princesse Mayu également, James Tiley, Sarah, hashtag G97, hashtag TraceFM pour continuer tout ça. On fait le tour de l'actualité avant de s'ethnocentrer, hein, uniquement sur nous. Nessie, on parle de quoi aujourd'hui? Alors on va parler du Crontella. Maman, c'est quoi les ça? Canadiens. Alors les Canadiens, ils ont inventé le Nutella au cannabis. Et au ça cannabis, d'accord, du, ok. Ouais, du Crontella, ça marche, du tonnerre. Il est tellement bon apparemment. Et il est fortement déconseillé de manger le pot en entier. C'est con, c'est pas, c'est pas encore commercialisé, c'est con, parce que les gens auraient fait des stocks éventuellement pour ceux qui sont restés à case là. C'est commercialisé seulement au Canada, mais si ça arrive ici... Je pense que ça brille, on va le voir souvent très joyeux. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Canada, cannabis, en même temps, il n'y avait qu'une syllabe. Hein. Quoi d'autre, Ness? On va parler de Gossip Girl, la série que j'aime beaucoup. Ouais. Il se pourrait que la série Gossip Girl ait une suite. Elle pourrait bien faire un puissant comeback pour nos écrans de télé. Et moi, j'attends ça, j'attends ça. Ok, t'attends ça, sauf que pareil, là, pareil, c'est pas livré. Donc du coup, le moment le plus difficile dans la nuit, tu vas regarder quoi ce soir? Ben moi, ce soir, je sais pas trop. Je vais plutôt guetter les nouvelles. Ok, il y a plus d'électricité ou il y en a encore pour l'instant chez toi? Il y a plus de... D'électricité, des cotons-tiges, il faut qu'on lui offre ça à son anniversaire. Il y a toujours de l'électricité, mais il y a beaucoup de vent, beaucoup d'arbres couchés, les bananes sont à terre. Bah, ils ont sommeil, les arbres. Ils ont super sommeil. Voilà. Quoi d'autre, Ness? Quoi d'autre, hein? Oui, ben, on va parler de mon amoureux, Brad Pitt. Il est en plein divorce, mais ses anciennes conquêtes en profitent pour réapparaître. Mannequin, chanteuse, actrice. Brad, c'est le mec le plus sollicité d'Hollywood, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et tu regrettes de pas l'avoir sous la couette là ce soir, c'est ça? Mais je lui ai écrit et il va répondre. Ça, yes, on fait un petit point sur la tempête. Sabri, on en est où? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Il y a peut-être des gens évidemment qui sortent de leur grotte, qui le découvrent à peine, bien que forcément oui. La situation a pu vous sembler quand même très concrète autour de vous. C'est oui. Pas un phénomène anodin. Oui, tu voulais rajouter un truc, Ness? Toujours du vent. Alors non, c'était pour vous faire écouter le vent. C'est le témoignage. Bon allez, vas-y. Vas-y, le témoignage sonore du vent. Va chercher le vent. Va chercher le vent. Oui, oui, oui, je vais chercher le vent. On y va, on va chercher le vent. Vous l'entendez? Non, non, non, non, j'ai la musique. T'inquiète pas, j'ai la musique. Nessie va nous faire écouter le vent donc de la tempête. Restez avec nous. Oui, oui. C'est en direct. Yes. Voilà, le vent et la pluie. On n'a rien entendu du tout. Bon, plus sérieusement, Sab, on en est où? Ben, on en est au point que ben, la tempête, comme je vous le disais, elle est passée côté Caraïbes. Alors, ben, en Guadeloupe, tu disais tout à l'heure que c'était un peu plus tranquille. Je suis désolé, Yannick, c'est que tu n'as pas dû mettre le nez vachement dehors de la radio aujourd'hui. Il y a eu près d'une vingtaine d'interventions des pompiers, donc ils n'ont pas chômé aujourd'hui. Il y a eu des coupures de courant entre la Soufrière, bon, ben, ça fait un peu normal. Ben ouais, mais excuse-moi, quand je sors de la radio, le premier truc que je fais, c'est pas aller à Saint-Claude. Hein. Et puis à Rosbierre-Prend aussi, donc il y a encore 600 personnes qui sont dans le noir et qui risquent de passer la nuit dans le noir. Ben, par contre, ben, il n'y a pas eu de montée d'eau, mais il y a encore beaucoup de vent et ça va encore continuer pendant la nuit. On attend encore des pics jusqu'à 120 km/h. Ça devrait se calmer par contre demain matin. Hashtag G97, hashtag TraceFM, hashtag Tempête pour nous dire comment ça se passe de votre côté d'ailleurs. 0820 200 300. Hugo, on rappelle qu'on est en vigilance orange, toujours Martinique et Guadeloupe. Ouais. Il y a des audios. Alors, qui tournent, qui disent que c'est rouge, mais c'est pas rouge. Exactement la même vigilance orange. Apparemment la vigilance orange de Martinique, c'est parce que c'est cyclone, c'est ça, risque de cyclone. Et la vigilance de Guadeloupe, c'est grosses intempéries, orages et vent. Et vent plutôt fort, si j'ai bien compris. Bon bah la Guyane, t'as le droit de te la péter en disant que les cyclones ça te concerne pas, hein. T'as le droit aussi, hein. 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez entendu, cet audio de cette nana qui trouve qu'il y a tellement de vent au passage de la tempête que les arbres se débranchent. On en a fait un remix avec le stagiaire. On écoute ça dans un petit instant. Il y a des audios qui ont tourné toute la journée. Certains d'entre eux ont été remixés. Restez avec nous d'ici là. Les platines reprennent le contrôle. Et on revient avec du Hey Baby Allo dans la Trace Radio. A tout à l'heure, Sab, à tout à l'heure, Ness. Une

doggy style. Puppy whisper, my cocky so hot it give the fire fever. If you can't broke it off, hasta la vista. Girl, affy, ava, pussy, power, grabby, Lego, quiz, lower, godo, lover, godo, goba, tattoo, color. C'est ma beauté, on peut que ni plafond. Pour mon peut que empêcher mon ni ou non, on peut que louper. C'est vrai que c'est en Alice, mais on oublie Alice et Wow Glad. paradis pour comparer. Après on loue un artiste mais on vole sans croire d'hier. Et fait malice pour en marrer. Vous m'avez compris pour ta Walt Disney. Après faut pas Clarisse fait parler. Vous m'avez laissé les gens attrister. Chérie attention ma route. Big up Tijon Sam, Big Bang Beach. On fait un petit coucou à T-Weezer qui nous rejoint sur le web. On a également Mademoiselle Sissi qui nous demande est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on a pu accéder au studio. Bah nous en fait on l'a pas quitté le studio, on est en mode bunker, connecté avec le reste de la planète, vous nous balancez vos coordonnées, on vous appelle, on prend vos nouvelles, où vous soyez, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Ice and wine, girl. Your skin smooth and your look so refined. Ice and wine, ice and wine. Me love how you flow, how your waistline. You're not sour, sour like a lime. Nah, you're not jukey, jukey like a pine. Girl, on your bad, sir. Girl, on you can wine, sir. Like a day upon a wine in mission. Girl, you must come from the Caribbean. Girl, on your shape good, sir. Hey, girl, on your sexy, sir. Girl, a day upon a wine in mission. You must come from the Caribbean, baby. She a whining vixen, call her that. Every man want her, she's all that. Reputation good, she's not a harlot. And me like her a lot. When you go on your hand, girl, where you call that? You a flight attendant or pilot. Wind up your body to some Charlie Black songs. We love you to your height and Génération 97. Pendant 3 heures, 3 heures, c'est nos limites. Zéro censure, zéro censure. Génération 97. Génération 97 en effectif réduit ce soir, Hugo. Hein. Ouais, il y a Tijo Sound qui est derrière les platines, on l'a entendu. Il y a Yannick, il y a moi-même, Hugo. Et puis il y a le stagiaire aussi. Ouais, Ticam quand même qui est derrière et le puis standard. Il y a un squatter, c'est ouais. Qui ce gars-là. On sent que c'est un mec, mais je crois qu'il fait partie soit de l'équipe en fait. Il nettoie le ménage. Ouais, c'est ça, qui fait le nettoyage du studio. Et en fait, on l'a enrôlé dans l'équipe parce que de toute façon, on est quoi 1, 2, 3, 4, 5. Putain, pas de meuf, les gars. Putain, pas de meuf, Sabri, putain! Ça aurait été ta soirée, hein, mec. Ça aurait été ta soirée, hein. Quelle galère, putain, si mal. Tu sais, on a pensé à tout, frère. On a pris des Pimza, on a pris des, tu sais, de l'eau, tu sais, des packs d'eau, en fait. On a pris de quoi se nourrir, de quoi se rafraîchir, machin, mais on n'a pas pensé aux meufs. En fait, en même temps, les meufs, elles sont les premières à flipper dès qu'il s'agit de prendre la route, donc du coup, elles sont tranquilles, posées chez elles. Bref, je dis ça, je dis rien. On a des nouvelles de Keshi, Sabri. Il paraît que c'est très très chaud de son côté, en fait. Ouais, mais le temps est vraiment détérioré de son côté. Apparemment, il est plongé dans le noir depuis cet après-midi, donc je sais pas, il a dû fermer toutes les fenêtres. Parce que normalement, il y avait encore du soleil cet après-midi, mais tout est dans le noir dans son quartier. Il allume son téléphone de temps en temps pour essayer d'avoir un peu de batterie pendant la nuit, mais la 3G, elle marche plus. Alors, j'ai même une dernière nouvelle qui vient de m'arriver par WhatsApp. Là, apparemment, le salon de Keshi est inondé. Sérieux? Ouais, apparemment mais dans un fond, la maison. Dans un Zion là. Je sais pas. Oui, c'est forcément dans un Zion, Keshi, franchement, honnêtement. Il a dit les gars, vous vous rappelez pas quand il nous a dit ça à la rentrée, il nous a dit les gars, j'ai trouvé un plan en or quoi. En or. Le mec, genre son loyer, ça doit être 50 euros son loyer. Mais en même mais le mec, tu sais ça, se trouve, il habite sur l'île des Carrettes. Ou tu sais un truc comme ça. Ou l'île des Chancelles, je sais pas. C'est une zone réservée. Oui, tu as raison. C'est très peu probable, mais c'était pour la blague, mec. Alors, à distance, tu comprends plus mon humour. Dans le studio, ça va, mais... Yannick, au contraire, c'est toi, parce que je suis pas en face de toi. Je te tendais une perche pour dire... machin. Ah d'accord, c'est une zone réservée. Donc, Keshi est une espèce animale en voie de disparition. Ah. Bon, en tout cas, tes vannes, elles nous manqueront pas ce soir. T'es là, t'es connecté. Il y a Nessie également. Nessie a fait sa petite pause pipi. Alors, si elle a là. C'était petite ou grosse commission? Non mais tu sais quand tu retournes sur la pluie tombée comme ça, ça donne envie de faire pipi hein. C'est quoi ça vie cette meuf? Bref. T'as jamais fait ça avec les enfants? Quand tu veux les inciter à faire pipi, tu imites le bruit de l'eau. Oui. Les trucs avec les enfants là, faut arrêter. Ah non, non, non. Les bêtes. On aura du calcul challenge ce soir. On a des très très bons compétiteurs hein, quand même. Hein. On a choisi la musique, ça se passe sur ça. Le principe est simple. Vous devez donner des résultats d'addition ou de soustraction. On n'ira pas plus loin, on n'ira pas dans la multiplication. Addition, soustraction, pour l'instant le score à battre c'est 9. 9 ouais. À la suite, sans faute. Le record est détenu par un certain... Rémi, ouais, ouais. On le retrouvera tout à l'heure, c'est lui, l'homme à abattre, 0820 203 200, également sur le net www.trace.fm. On a des infos également concernant les établissements scolaires. Alors, en Martinique, c'est sûr, les établissements scolaires seront fermés demain. Demain ? Ouais. Oui. En revanche, en Guadeloupe, c'est encore à l'étude. Alors, j'explique. Pour l'instant, les établissements scolaires ne seront pas fermés demain en Guadeloupe, sauf dans le cas... où ça dégénère plus tard dans la soirée. Donc il va falloir évidemment se tenir au courant des différents bulletins et évidemment des dernières infos au moment où elles tomberont. Pour l'instant, la situation de la Guadeloupe n'est pas forcément jugée suffisamment délicate pour, en tout cas, amener à fermer les établissements scolaires. Mais c'est officiel, en Martinique, il n'y aura pas ni école, ni crèche demain et ni administration d'ouverte. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Bon, on lance le c'est qui ? Ouais. Yeah, ok. À distance, je te jure. On a Lilou qui nous rejoint tout à l'heure, il y aura du sex conf aussi, Mister Hugo. Tu sais de quoi on va parler ou pas ? On va parler des stars en fait qui ont commencé à jouer dans un film porno. Elles ont commencé leur carrière par là, mais on s'en serait jamais douté en fait. Genre des acteurs aujourd'hui ou des actrices super connues qui ont commencé par un porno. Et qui ont quand même réussi en fait. Ouais. Le c'est qui de ce soir, des indices, on cherche une personne locale, nationale ou internationale avec ces indices. Je suis un acteur britannique. Ok, britannique. J'ai souvent tourné dans des films et téléfilms en rapport avec la magie. Je me suis particulièrement fait connaître à l'âge de 11 ans. En tournant dans une saga au cinéma. Ça me paraît assez évident, j'ai l'impression. Ah ouais, moi j'ai trouvé tout de suite. Ah merci. Bah oui. Redonne-moi les indices, Ness. Je suis un acteur britannique. J'ai souvent tourné dans des films et téléfilms en rapport avec la magie. Je me suis particulièrement fait connaître à l'âge de 11 ans en tournant dans une saga au cinéma. C'est qui ? Vous nous répondez à la question 0820 203 200. Vous inscrivez également pour le calcul challenge de tout à l'heure pour battre Rémi. D'ici là, est-ce que vous avez entendu la somme d'audio monumentale? Tout le monde se prend pour un journaliste hein, maintenant. Non, sérieux, hein. On a reçu des photos des gens qui ont été voir d'un peu plus près les vagues, des gens qui ont remonté des informations à propos des inondations pas loin de chez eux. Est-ce que vous avez entendu cet audio magnifique de cette nana qui, dans le courant de l'après-midi, est du côté de la Martinique, si je dis pas de conneries, et elle décrit la situation du côté des trois îles. Ça vous dit quelque chose ou pas? J'essaye de remettre la main sur l'audio. L'audio original parce qu'on en a déjà fait un tube. Hein. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Beaucoup de gens ont tué un peu le temps en fait en s'amusant à faire des petits montages ou éventuellement des petits trucs sur le web, des petits montages vidéo. Alors, l'audio, tchoc, je l'ai là sous la main. Écoute ça, elle est magnifique. J'aimerais bien, si vous la connaissez, que vous nous deviez... donnez son nom, s'il vous plaît. Les gens qui vont vers les trois îles, faites très, très, très, très attention parce que les arbres se débranchent et c'est chaud. C'est chaud. Moi, je roule au milieu de la route pour au cas où les arbres continuent à se débrancher, en fait. C'est énorme. Sabri, je suis sûr que tu as un commentaire sur la question. Pas du tout. Alors moi j'ai une question à poser à Nessie qui a fait le plus gros nombre d'années d'études parmi nous. Est-ce que le verbe débrancher peut être utilisé dans ce cas? Je ne l'aurais pas utilisé. Alors, J'aurais déraciné. Ouais, les branches se déracinent, à la limite on aurait fait un remix avec toi. Hein. L'arbre se déracine, mais les branches sont arrachées, enfin je sais pas, pas dit comme ça. Les branches tombent en fait. Moi tu sais quoi, j'ai écouté d'abord l'audio, c'est vrai que la phrase choque, parce que on l'aurait pas utilisé. Mais pour autant, moi je trouve que si on cherche, il faudrait que tu cherches dans le dictionnaire, vérifie quand même. Moi je me demande si c'est pas On l'utilise pas comme ça, mais si ça se trouve, si c'est pas la vraie origine du mot, en fait. Perdre ses branches, en fait. Donc au final, on l'utilise débrancher, quoi, pour perdre le lien, en fait. Perdre ses branches, c'est peut-être pas si incorrect que ça, hein. Bah, il faudrait qu'on vérifie ça. En même temps, on s'en fout, on en a déjà fait un remix. Hashtag, les arbres se débranchent. Trouvez-moi le nom de cette nana, il faut qu'on l'ait au téléphone ce soir, 0820-203-200. Voici ce que notre stagiaire en a fait. Les gens qui vont vers les Swazilais, faites très très très très attention, parce que les arbres se Ça va peut-être devenir en fait un tube, peut-être, hein, on sait pas. Ou alors ce sera le tube de la tempête, point. Les arbres se débranchent, 0820-203-200. Tu sais quoi, j'ai envie qu'on parte dans ce délire, qu'on lance un énorme défi aux auditeurs. On cherche des mots complètement qu'on pourrait utiliser de manière complètement détournée comme ça. Genre, tu sais, on dirait, par exemple, si on dit que les arbres se débranchent, est-ce que le vent ne s'essouffle pas un peu? Par exemple, ouais. Ça peut marcher, le vent. Idée. Le vent s'essoufflera un petit peu plus tard, en soirée. Ça, c'en est un autre. T'en as un là, sous la main, éventuellement, ça brille. Alors Ouais, les pneus se déroulent. Pas mal. Ou alors, les pneus se dégomment. Les pneus se dégomment. C'est pas plus fort, les pneus se dégomment? Pas mal, pas mal. Pas mal. On est ici, t'en as, t'as une proposition ou pas? Je déchausse mes chaussures. Je déchausse. Non, ben non, non, non, non, ça c'est. On va lui expliquer le jeu. mes chaussures me démarchent, par exemple. Peut-être que tu peux dire un truc comme ça. Mes chaussures me démarchent. Mes pneus se dégomment. Le vent s'essoufflera un petit peu plus tard dans la soirée. 0820-230-200, vous faites vos propositions également. Hashtag G97, hashtag Trace FM. L'autre truc dont on va parler évidemment ce soir, c'est de monsieur Kalash. J'ai l'influence, j'suis une pépinière. Ils volent mon flow, mon style, copie ma crinière. C'est le nom qui est un petit peu dans toutes les conversations, hein, Mr. Kalash. Il a vécu un deuxième procès pour exactement la même histoire. Autant vous dire que la première fois, il avait peut-être eu l'impression de pouvoir y échapper, mais visiblement, la justice a tenu à insister. Et là, il risque quand même très très gros. Tout le monde en discute, tout le monde trouve que y aurait peut-être un acharnement. Enfin, tout le monde, non. Une bonne partie d'entre vous pense que Kalash est un peu genre la personne sur qui on s'acharne pour faire un exemple. D'autres trouvent ça totalement justifié. Pourquoi la règle serait valable pour n'importe quel lambda et pas pour Kalash. L'histoire, si on remonte à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé pour Kalash? L'idée, c'est qu'il a eu une fouille en fait chez lui de la part des autorités et lors de cette fouille, en fait, ils ont trouvé un calibre. C'est exact? Oui. C'est bien ça? Oui. Alors, donne-moi les détails, vas-y. En fait, il était devant la tour d'appel de Paris pour détention d'un pistolet automatique 9 mm. Il y avait deux chargeurs, il y avait 6 balles, on parle même de drogue. Et lors de son procès aujourd'hui, il a reconnu avoir fait une erreur, selon ses propres termes. Et il s'est dédouané pour la drogue, mais il a admis pour la détention de l'arme qu'il avait acquise pour 2000 euros. Et il a dit l'avoir, cette pistolette procurée, pour se protéger lui et ses proches, puisque depuis 2015, et la sortie de Bando, le tube Bando, il est menacé de mort. Donc, il a reçu une peine de 6 mois ferme. Mais la décision sera rendue le 26 octobre. Ouais, donc grosso modo, il a encore un mois d'attente pour savoir à quelle sauce il sera mangé. Faut savoir que cette histoire a déjà été jugée une première fois, sauf que le procureur, visiblement, a fait appel de la première décision qui était 6 mois de sursis. Donc grosso modo, visiblement, le procureur veut la tête de Kalash. Alors, est-ce qu'il veut la tête de Kalash pour faire un exemple? Est-ce qu'il veut la tête de Kalash parce qu'il s'acharne sur quelqu'un qui est en vue pour que ça ait un meilleur écho et que, je sais pas, peut-être qu'il finisse président de la République? Peut-être pour se faire sa propre pub? Il y a plein d'avis différents. En tout cas, c'est véritablement l'un des sujets de conversation qui est dans toutes les bouches et c'est un sujet de conversation qui va nous aider à faire passer le temps

sur moi. Il est temps que je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je veux que ça bouge, je me fiche du danger. J'ai envie de refaire le monde à ma manière. Non, j'ai pas envie qu'on en reste là. Je veux faire bouger mon cœur avant qu'il ne soit trop tard. Je sais que demain est un autre jour. Donc je veux tout voir se faire de détours. Je sens la lumière se poser sur moi. Il est temps que je vive comme si c'était le dernier. C'était le dernier, dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Je vis comme si c'était le dernier, dernier, dernier jour. Du film La Pièce qu'on vous propose d'aller voir, c'est le 12 octobre prochain en avant-première, 16h, où que tu sois, Martinique, Guadeloupe, Guyane. La trace roulette tourne déjà, on a qui nous rejoint du côté du standard. Il y a Jonathan, mais ça a raccroché donc on le rappelle. Ah ben, on recompose le numéro de téléphone, il a été le premier à débarquer. Dès que ce signal retentit, c'est non seulement des places pour toi et la personne de ton choix, mais ça peut aller jusqu'à 6 places pour que vous puissiez profiter de cette avant-première, premier film du Watibé avec le groupe de votre choix. On vous met les pop-corn à dispo. Bref, on te traite comme un prince à cette sortie de la pièce. On a Jonathan qui est là, salut Jonathan. Salut tout le monde. Ça va ? Yo, comment vas-tu ? Eh ben, on est là tranquille du côté de la montagne, mais ça pleut quand même pas mal. Ok. Bon bah tu dis stop quand t'es prêt, jaune. Ouais, jaune, j'ai trouvé que c'est une couleur qui t'allait bien. Faut arrêter la trace roulette. Tu dis stop, mec. Stop. Ok. On va voir le nombre de places. Tu es en Guadeloupe, entre tu en Guadeloupe ou places. Tu es en Martinique ou en Guyane? Alors, l'avantage, j'hésite entre Guadeloupe et Martinique. Martinique, il est en Martinique, ok. Attention. Ah, ça c'est bon ça, c'est 3 places hein. 3 ouais. Places pour l'avant-première de la pièce. Ça ce sera le 12 octobre, donc du côté de Madiana, puisque t'es sur Mada. Eh ben écoute, on te met ça à disposition, tu fais ton petit groupe mec. Et puis vous allez découvrir le film, premier film du Watibé, avec Estelle B, la gagnante notamment de Trace Music Star, qui a signé une partie de la BO. Il y a plein de gens qu'on retrouve notamment sur cette BO et qu'on entend sur Trace FM. Félicitations à 3 places. Bon ben bien mon gars, tranquille. Okay. Dans la pluie on survit. Ouais. On se débrouille. On essaie. Tu aurais préféré qu'on t'offre un canot et kayak? La situation n'est pas si critique au lamentable. Laisse-nous tranquille, rappelle-nous plus tard. Bonne soirée Jonathan, ciao ciao. Hashtag G97, hashtag Trace FM. Rendez-vous également sur le web www.trace.fm. La pièce, le gros fou rire de la rentrée. En avant-première Trace FM avec le forfait Sapé by SFR. Forfait Sapé by SFR, ça le fait. Yes. Nous allons parler d'un sujet qui mobilise beaucoup l'opinion publique ces derniers temps. Nous allons parler avec Sabrine ici, mais aussi avec vous les auditeurs. Où que vous soyez Martinique, Guadeloupe, Guyane, personne n'a raté cette information qui concerne évidemment la star actuelle, c'est-à-dire Kalash. Kalash qui, contrairement à toute attente, contrairement à tout ce qu'on a pu imaginer de lui, est resté très calme à l'audience. Kalash qui ne s'est pas étendu sur son programme du week-end. Kalash qui a répondu à tous les chefs d'inculpation de manière très présente, mais pour en tout cas dire que certains, oui, qu'il avait commis une erreur, et puis d'autres, non. Kalash, on en parle parce que c'est vraiment le débat qui est dans toutes les bouches, en fait. Est-ce qu'on a pas l'impression d'un énième abus de pouvoir, pour faire un exemple? Pourquoi lui? Pourquoi particulièrement lui? Alors que on sait très bien que probablement d'autres personnes peuvent être dans la même situation que lui. On peut rappeler les faits, s'il te plaît, la Miss Nessie? Alors, oui. Qu'est-ce qui se passe pour Kalash? On a trouvé une arme à feu en mai dernier dans son appartement. Oui, un pistolet automatique de 9 mètres. Il y avait également deux chargeurs, 6 balles. Et c'est lors d'une perquisition chez lui que ça a été trouvé. Donc lui, il voulait se défendre et répondre à une éventuelle attaque, puisqu'il reçoit régulièrement des menaces de mort. C'est comme ça en tout cas qu'il s'est défendu lors de la première audience. C'est également comme ça qu'il s'est défendu aujourd'hui, parce qu'en fait, bah normalement cette histoire, on n'aurait peut-être pas dû en reparler parce qu'elle a déjà été jugée. Sauf que le procureur en fait de Paris a fait appel. On sent un certain acharnement. Alors l'acharnement, il est pour quoi? Est-ce qu'il est pour faire un exemple? Est-ce qu'il est parce que le mec est bien en vue, que ça va se savoir? Est-ce que c'est simplement la même règle, qu'on soit un citoyen lambda ou qu'on soit Kalash? Votre avis à vous, on en discute également avec Sabri. Sabri, t'as vu cette information à propos du fait que l'arme appartenait à un ancien policier guyanais, je crois, ouais, qui était en retraite c'était, depuis 2013. Sa mallette et il a revendu en fait l'arme à Kalash pour près de 2000 euros. Alors c'est marrant parce que même pendant son audience, visiblement Kalash à aucun moment n'a dit qu'il lui avait vendu l'arme. C'est vérifié ça ou pas? Ben si, ça, enfin en tout cas ça a été publié, donc c'est les stupes, il a revendiqué la propriété de l'arme, il précise qu'elle n'a jamais servi et qu'il a acquis l'arme pour 2000 euros. Bref, il y a véritablement... Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ness? Elle était roulée dans même ses placards depuis un moment apparemment. D'accord, ok. On t'entend de moins en moins bien, Ness. Il faut couper le haut-parleur. Bien oui. Te mettre à l'extérieur sur la terrasse, même si tu es mouillé. On revient dans un petit instant, on va en discuter de ce débat Kalash. Parce que mine de rien, bah, y a des gens qui trouvent qu'on s'acharne un peu trop gratuitement. Et puis il y en a d'autres qui trouvent ça totalement normal. Et personne n'est censé ignorer ni la loi, ni passer au-dessus des lois, sous prétexte qu'il a des millions de followers. Hashtag G97, hashtag TraceFM. Alors c'est marrant parce que c'est quand même un cercle vicieux. Ces millions de followers font que on lui reproche par exemple d'être un exemple, donc quelque part peut-être qu'il faut faire un exemple pour que les autres millions de followers qui suivent derrière, il y avait un petit détachement de personnes qui ont véritablement suivi physiquement le procès, même si la plupart d'entre nous s'est tenu un petit peu au courant de l'audience aujourd'hui. Le verdict ne sera pas rendu avant un mois, mais pour autant, de quelle team vous faites partie? Support Kalash, vous êtes team Kalash, ou vous êtes au contraire team la loi, un point c'est tout. Hashtag G97, hashtag TraceFM. On revient dans un petit instant dans Génération 97, à tout de suite. Ce mercredi entre 19 et 22h, TraceFM te rejoue le meilleur de Génération 97. Le replay. C'est le replay de Génération 97. On va parler ce soir. Dirty Talk. J'avoue être sensible aux gémissements. Pas n'importe quel gémissement, parce qu'il y a des gémissements qui sont vraiment horribles. Les pornos japonais, j'ai du mal. Moi j'adore. Et t'as gémé ça? Génération 97, le meilleur de la semaine. La crème de la crème des conneries de la semaine. En rediff ce dimanche soir entre 19 et 22h sur TraceFM. Le replay de Génération 97 aussi dispo sur trace.fm. Vous êtes étudiant, vous êtes enseignant. Digilife vous offre 10% de remise exceptionnelle sur le tarif Métropole pour l'achat d'un nouveau Mac. Vous pourrez également essayer tous les iPads et tous les iPhones dans les meilleures conditions et profiter de nombreuses offres spéciales rentrées. Nos experts Apple vous apporteront des conseils personnalisés ainsi que tous les services et garanties que seul un Apple Premium Reseller est à même de vous proposer. Rendez-vous chez Digilife, centre commercial d'Estreland et sur digilife.fr. Offre valable jusqu'au 15 octobre et soumise à conditions. Trace FM. Trace FM, première radio musicale. Ouais.

not about the diamonds and pearls. Follow me now, hey. And any kind of girl me a call for. And any kind of girl Calico call for. I fi give enough youth and give enough data. In a say easy fi da sit up on the natty and go throne. You coulda pretty like a flower, coulda bad to the bone. She not clean to her heart with some positive thoughts. Then give me a girlfriend, I'm gonna leave you alone. Cause when the road gets rocky and the time gets hard, I need a strong woman to stand by my side. A virtuous woman is so hard to find. When the road gets rocky and the time gets hard, I need a strong woman to stand by my side. A virtuous woman is so hard to find. Yeah. Huh. No trust friend, no trust devil. Them a pray hard, for you get pebble. If you no trust BS, no trust trouble. Human being no trust devil. If me moving antisocial, I may hide. Real gangster no beg boy weed. Anyhow, I don't beg for no. Weed is my best friend. And me no want see no next friend. Cause weed is my best friend. Some boy where you talk and I leave me no trust them. Weed is my best friend. You know weed is my best friend. Weed and me best party, me best charge. Right now it legal, no feds can charge me. Every day 6 pound in at the RD. Right now, Harry J, they ma escort me. If me no have ganja, me no happy. A ditch all around me, I go load up shortly. My boy a talk, can try extort me. Man now I red like Leonard Bartley. Anyhow, I don't beg for no. Weed is my best friend. And me no want see no next friend. No. Weed is my best friend. Le droit, je suis plus fort. Ça a fucking passé. Eh, non, let's have the real king now. Dans un petit instant, on aura du Hey Baby Allo. Oui, malgré le fait qu'on soit un petit peu consigné à case, que le temps, le mauvais temps surtout soit au rendez-vous du côté de la Martinique et de la Guadeloupe, même si c'est vrai, c'est pas directement concerné par la Guyane, on va quand même faire du Hey Baby Allo. Ça fait un petit moment hein, qu'on piège avec la voix de Kalash, avec cette chanson Tekken. On a un peu l'impression aujourd'hui que dans l'opinion publique, pour beaucoup d'entre vous, c'est Kalash qui s'est fait piéger, notamment par rapport à cette audience qui a eu lieu aujourd'hui. Rappel des faits, c'est Nessie qui s'en charge ou c'est Sabri? Lequel des deux? Lequel des deux? Rappel des faits deux fois. J'ai pas compris ce que t'as dit, Sab. Tu m'as rappelé les faits deux fois, donc c'est à moi. Alors, c'est à toi. Ouais. C'est à toi. J'explique juste, hein, de temps en temps, il y aura deux, trois petites conneries comme ça, parce qu'en fait, on a un stagiaire au standard ce soir. Tout le monde, comme vous le comprenez, toute l'équipe n'est pas forcément au même endroit, n'est pas forcément sur le même département. Chacun gère un petit peu ses urgences, ses priorités pour éviter que, éventuellement, le mauvais temps ne crée des dégâts plus importants ou simplement des dégâts en fonction de là où ils sont. C'est le cas de Sabri qui a case consigné aujourd'hui. Yes. Donc Kalash, il avait déjà été jugé au mois de mai. Le juge avait décidé de 6 mois de sursis avec mise à l'épreuve, mais le procureur estimait qu'il n'avait pas pris assez. Il a requis 1 an de prison ferme, donc il a fait appel et il est passé en audience ce matin. Donc d'après son avocat, l'audience s'est plutôt bien déroulée. Il y aura la décision de justice a été remise au 26 octobre. Donc Kalash a reconnu pendant cette audience avoir été en possession d'une arme, effectivement. C'était l'arme d'un ancien gardien de la paix guyanais qu'il aurait acquis en 2013 pour 2000 euros environ. Alors, bon, tout ça, je vous dis tout ça. Bon, bien sûr, j'étais pas à l'audience ce matin. J'ai récupéré ça dans les médias locaux. Et effectivement, je me demande si je peux encore faire confiance aux médias locaux quand je vois la photo qu'ils ont affichée pour dire que Kalash était devant la justice. Alors, en fait, effectivement, tu fais référence à France Anti Guadeloupe qui a mis une photo de Gifta à la place de Kalash. Alors nous, entre temps, on leur a envoyé une photo du procureur, en fait, en exclusivité. On a une photo du procureur de la République. C'est marqué photo de pompier. On a envoyé. On a envoyé une photo de pompier. On va envoyer également une photo de Christiane Taubira. Qui vous choisissez pour Christiane Taubira? On choisit Spice ou on choisit parce que. Tu mets Spice? Ok, bon bah on va envoyer à France Anti-Guadeloupe Spice en leur disant Christiane Taubira souhaite également s'exprimer en tant qu'ancienne ministre de la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ingrid Littré, la femme de Kalash, quelle photo on envoie? Tinali? Alors on met Tinali. On met Tinali, ok, ça marche, on va envoyer c'est le truc complètement improbable, tu sais. Et qu'est-ce qu'on peut leur envoyer encore? Qu'est-ce qui pourrait être important pour leur dossier? Une photo de Gifta? Un avocat. Non! On pourrait dire Admiralty. Que Admiralty, voilà, c'est ça, c'est une bonne idée. Alors, qui on envoie pour la photo d'Admiralty? X-Man. Paille, voyons, Paille. Paille ou X-Man? On va dire Paille. Bon, on va dire Paille, ok. On envoie la photo de l'artiste Paille à France Anti-Guadeloupe pour qu'ils disent attention, son ami Admiralty veut s'exprimer également. On sait jamais s'ils veulent faire un article demain. Bon, ils ont corrigé l'erreur entre temps, mais apparemment, je sais pas, à la photographie ou à la photogravure, je sais pas comment ils appellent ça. C'était quand même assez rigolo pour nous qui les connaissons assez bien de voir la photo de Gifta sur un article qui titre Kalash, en fait. Ce qui serait intéressant, c'est... Il a réagi d'ailleurs sur son Instagram. Ouais. Il a posté carrément. En plus, riposte de Kalash, mais c'est pas moi, c'est pas lui. Bref, on en discute un petit peu parce que ça ne vous a pas échappé, même si effectivement on a été peut-être un peu coupés les uns des autres parce que nos habitudes ont été perturbées aujourd'hui par le mauvais temps pour ceux qui sont sur la Guadeloupe ou la Martinique, même en Guyane, forcément Gifta s'est retrouvé impliqué aussi dans cette situation. Le débat Kalash fait quand même rage, quoi. J'aimerais savoir un petit peu qui pense quoi. Sab, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on en fait beaucoup parce que c'est Kalash. Ce serait peut-être un artiste moins exposé, peut-être même qu'on n'aurait même pas entendu parler de l'affaire. Et que le parquet revienne sur une décision qui a déjà été prise de 6 mois de prison avec sursis, je pense que les 6 mois sont d'ailleurs déjà presque faits. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Juste pour envoyer le mec un an de prison ferme, alors que le mec, il n'a rien fait avec l'arme, il n'a pas menacé qui que ce soit, il n'a rien fait avec l'arme, il était juste rangé chez lui parce que le mec se sentait menacé. Et déjà, peut-être parce que la police c'était pas suffisamment bien son boulot. Je trouve ça un peu dégueu. C'est 0820-203-200 pour réagir en direct. Alors moi il y a un autre truc aussi qui m'interpelle, Sab, c'est le fait que en fait, oui, il y a des gens qui disent qu'il y a un acharnement sur Kalash parce que il fait un peu émerger, c'est vrai, les anti-Guyane, quoi. Il est un des artistes à être le plus proche de passer le pas de la porte, en fait, d'être diffusé en métropole. Il est diffusé pour les gens qui connaissent déjà sa musique, mais pas encore pour les gens qui la connaissent pas. Et quelque part, donc, on dit que le fait qu'il soit très en vue, qu'il soit un exemple, parce qu'il a des millions de followers, fait qu'il devrait encore plus donner l'exemple. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, Sab? Moi, je pense qu'il n'est pas là pour donner l'exemple. Et puis, en plus, c'est un truc totalement du domaine privé. Le mec, il n'est pas en train de revendiquer que tous les gens qui écoutent sa musique sont obligés d'avoir des armes chez eux. Le mec, il n'a jamais dit, je me balade avec mon arme et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Parce que du coup, effectivement, les rappeurs... Ouais, vas-y, Ness. Et puis quel exemple, puisque finalement ils chantent quoi? Les histoires de Bendo, de Bad Boy. Donc s'ils chantaient Je suis chrétien, l'esprit saint, j'aurais compris. Mais c'est pas du tout ce qu'ils chantent. Ils chantent aux côtés de Booba. Voilà, c'est pas non plus... Enfin, il a pas une image de mec tout à fait libre. Alors, moi il y a un autre truc aussi que je rajouterais à ça, c'est que on a pléthore de clips, notamment francophones, où des armes à feu sont mises en avant. Aujourd'hui, c'est moins grave de mettre des armes à feu en avant dans un clip qui ressemble beaucoup plus à de la propagande, beaucoup plus peut-être à de la communication massive, à de l'exemple. L'exemple est encore plus puissant. C'est moins dangereux en fait de mettre des armes à feu dans son clip que finalement d'en détenir une chez soi en fait. C'est un peu presque la leçon malheureusement de l'histoire qu'on tire en fait. Bah, c'est le cas parce qu'il a été pris la main dans le sac quoi. Ouais. La main dans le sac. Après, il y a aussi peut-être la raison pour laquelle ils ont débarqué chez lui qui était pas forcément très légitime. Il débarque chez lui pour une histoire de stup. Finalement, il n'y a rien, mais ils repartent avec une arme. Donc. Alors, il y a beaucoup de rumeurs. Tu sais, on est dans des petits pays. Hein, les gens parlent beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent en fait que visiblement c'est une de ses fréquentations qui serait à l'origine de cette perquisition. Pas parce qu'il l'a balancé, mais simplement parce qu'il le fréquentait. En fait, il le connaissait. C'est comme si genre demain toi et moi, Sab, je sais pas pour une raison ou pour une autre, moi je me lance dans le narcotrafic. Tu sais, j'ai trop regardé Narcos. Tu vois, j'ai envie de le faire. Et en fait, du fait que tu me connaisses, il y aura une perquisition chez toi. Du fait qu'on soit proche, du fait qu'on travaille ensemble, du fait qu'on se fréquente, en fait, il y aura une perquisition chez toi. Et cette perquisition a abouti à trouver cette arme à feu. Aujourd'hui, est-ce que fréquenter un trafiquant de drogue, aujourd'hui, aux yeux de la loi, est-ce que c'est légitime, vous trouvez, qu'on soit associé ou mis au même niveau éventuellement que cette personne qui, elle, a fait ce qui l'engageait à le faire? Est-ce que tu le prendrais comment, toi, qu'on fouille chez toi, parce que moi, je suis dans le narcotrafic, en fait? Je pense que je commencerai par t'insulter, mais bon, vu que tu serais certainement déjà à l'ombre. Ah, moi je serais en garde à vue à Los Artis, mec, 48 heures. Je sais pas si je pourrais te parler, non, je crois pas. Je crois qu'il y aura aucun contact. D'ailleurs, je crois. Ouais. Non, mais c'est juste relou. Effectivement, on peut tous se retrouver dans ce genre d'affaires par rapport aux gens qu'on fréquente, ou même en ayant échangé un SMS, peut-être faire une blague dessus, mais le mec est effectivement bien dans le trafic. Tu peux te retrouver mêlé à ça. Après, déjà, à ce moment-là, est-ce que c'est pas déjà parce que c'était Kalash qu'on a débarqué chez lui à ce moment-là? Alors, il y a plein de rumeurs qui disent que c'est parce que c'est Kalash, effectivement, qu'on s'acharne sur lui. Et puis, en même temps, il y a une partie des gens qui pensent que ça n'a rien à voir avec le fait de qui il est, parce que visiblement, certains semblent découvrir qu'il a une petite notoriété. Et d'ailleurs, ça m'a interpellé, parce que c'est vraiment le mec qui fédère en ce moment nos foules, tu vois. Tout pour nous ramener, tu sais, à cette espèce de dure réalité qu'on n'a pas envie de nous sur le devant de la scène, en fait. Et c'est donc des rumeurs qui courent en disant, ouais, petite notoriété, ça ne suffit pas à justifier que genre on ait choisi ce mec là pour essayer de le faire tomber. Je pense que je sais pas, il y a quelques années quand c'était Chris machin qui commence à être connu, ben on l'a descendu avec l'affaire de Vincent McDoom, et là j'ai l'impression qu'on est en train de chercher un truc pour ralentir l'ascension de Kalash quoi. On a Lilou qui nous rejoint du côté du standard. Alors, vous le savez pas, mais Lilou, en fait, elle a fait des études de droit. Ça veut pas dire qu'elle est avocate, ça veut pas dire qu'elle est juriste, machin, etc. Mais elle s'est un peu penchée sur l'histoire, en fait, Lilou. Allô? Tu m'entends? Oui. Ouais. Ça veut dire que Lilou s'est un peu penchée sur la question, parce que mine de rien, c'est quand même assez bizarre, cette histoire de Kalash, qui d'abord écope d'un premier verdict 6 mois en sursis, et puis il y a un mec qui dit, non, je suis pas d'accord, je trouve que la sanction n'est pas assez dure. Ça te choque, toi, ou pas? Ouais. Non, parce que ça arrive, surtout quand c'est des personnages publics qui ont une sorte d'aura représentative, qui peuvent amener du monde derrière eux à les suivre. Donc, en fait, quand on est accusé de quelque chose, qu'un jugement est fait, on peut faire appel de ce jugement une première fois, mais c'est pas réservé qu'à l'accusé. Ça peut être aussi réservé à la partie civile. D'accord, on peut faire. C'est vrai qu'on entend plus souvent dire, ouais, bon ben voilà, le verdict a été trop dur, je fais appel pour avoir une peine moins grande. Mais l'inverse existe aussi de la part du procureur, en fait, qui peut demander qu'on fasse appel du premier verdict pour que ce soit plus dur. Dans un petit instant, Lilou, parce que tu t'es penché un peu sur le dossier toute l'après-midi, tu vas nous dire ce que risque véritablement Kalash. Hashtag G97, hashtag TraceFM 0820-203-200. On revient dans un petit instant, le temps de mettre tout en place. Vous réagissez. Vous êtes plutôt team Kalash, vous êtes en mode je le soutiens quoi qu'il arrive, ou vous êtes plutôt d'accord avec ce qui se passe en vous disant que de toute façon ça reste un personnage public certes, mais en même temps il ne doit pas se soustraire à la loi. Une arme à feu pas déclarée chez lui, dont il n'a pas à être en détention, mine de rien, le verdict qui risque de tomber, il le mérite. Vous en pensez quoi? 0820 203 200. C'est vrai qu'on est dans une période violence aussi, est-ce que ça se trouve, ça pèse pas encore plus? Les attentats doivent jouer aussi un rôle dans le fait que le procureur ait fait appel. On revient dans un petit instant avec votre réac, à tout de suite.

la DJ que n'a qu'à penser le vrai truc. Jusqu'à la moelle épinière, entier jusqu'au fond du trou du cimetière. Que sera demain qui est meilleur qu'hier? Mon équipe est debout, fort ta civière. Où t'écris, tu baves, tu fais des chroniques. J'rigole, j'fais ha ha ha ha ha, ces négros sont trop comiques. Jamais comme ce l'aime devant J.I.R. J'pense à l'essence de mon frère dans toutes mes prières. En Louis V et puis Fricada, Villani qu'on met Tipada, iPhone 6, Pivada, Bangou met Fricada. Tu veux l'amour là, mais qu'est-ce que t'attends? T'es mauvais, t'es comme Satan, ton avenir est décadent. T'as dû venir dans ta danse, négro tu vois flou. Va pas en ton cul pour faire des sous. Attitude de fou, ça bande mou, y'a rien en dessous. Négro se fait comme un Mikado, testez-moi au canimal d'or. Où c'est un migrateur, en cas triple qu'on rival d'or. Il n'y a que l'océan qui nous sépare, quelques horloges et quelques pluies. Je suis vitement perdu, mon âme de fétale. Tu veux, je fais la gueule de pied. Il le fallait inévitable départ. Si ça marche pas, je reviendrai tant pis. Je rêve de chaleur et de lueur, ma liberté à l'intérieur. On est dans une spéciale Kalash, niveau mix, mais aussi niveau actualité, parce qu'effectivement il a fait beaucoup parler de lui aujourd'hui, son audience a eu lieu et beaucoup de choses pèsent sur lui. On en discute, débat public, parce que mine de rien, c'était dans toutes les bouches, dans toutes les conversations. Vous êtes plutôt team support Trace ou support Kalash d'ailleurs, ou alors, bah, vous trouvez ça normal, nul ne peut s'extraire à la loi. En sourire pour canapé, des jours noirs te demandent des bouchers. Choix, monde qui solide, c'est monde qui j'ai souffert. Moi, ouais, trop loin, y'a pour mettre moi l'enfer. On besoin de trouver remède, on besoin de trouver remède, on besoin de trouver remède. T'es qu'à dire mais que ici à fuck. Fuck mais on voit dire mais rete strong. T'es qu'aussi à fuck. 1002 balle smic. What a bombo clap. En bas le taf. Fuck Babylon. Fuck que c'est au bat. Pour mes bas place mais Erivé bas aux apports. A pas pour dire en panique. Qui moun qui faut n'apporte. Et puis la matin nous sous monter des étapes. Et puis tout le monde en fucking mais pour mes pas. Génération 97, 0820 203 200. Le soir, tu as la parole sur Trace FM. 100% radio libre. On sort d'une petite session de mix 100% Kalash avec Tijo Sound au platine. Et ça tombe bien puisqu'on est en plein débat. Kalash qui est devant la justice en ce moment. Il y a Evric qui voulait réagir. Salut Evric. Click on air pour moi, stagiaire. Evric, comment tu vas? Salut, salut. T'as Daria, qui a Melinda aussi qui va nous rejoindre dans un petit instant, mais on va discuter avant avec Lilou Hugo, parce que mine de rien, bon bah c'est celle qui a été le plus loin dans les études niveau droit en ce qui nous concerne. Lilou, t'es avec nous? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup de gens étaient très très surpris en fait, et c'est pour ça qu'ils pensent à une machination, à une espèce de complot. Tout est normal dans ce qui se passe, le fait que sur un premier jugement il écope de 6 mois de sursis et que le procureur de Paris fasse appel de cette décision et reproduise l'affaire encore en instruction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il est accusé de port d'armes illégales sur une arme de catégorie B, et la sanction prévue par la loi est de 5 ans d'emprisonnement et jusqu'à 75 000 euros d'amende. Alors dans tous les cas, en fait, ça veut dire que le procureur n'aurait pas laissé passer ça, il aurait forcément fait appel de la décision des 6 mois de sursis, parce que de toute façon, c'est pas assez. Voilà, en plus de ça, c'est un personnage, comme je le disais tantôt, qui est public, et beaucoup de jeunes prennent sa suite et son exemple, et du coup, effectivement, il va faire un exemple, je pense aussi. Ok. En fait, en réalité, il risquerait jusqu'à 5 ans, et donc, en fait, concrètement, là, on lui en propose un, en fait, dont 6 mois avec sursis. Un an de prison, dont 6 mois avec sursis, mais c'est après, en tout cas ce qui a été énoncé aujourd'hui. C'est le procureur. Ouais. Après, ce que le procureur ne se doute pas, c'est que ça fera sans doute aussi, comme beaucoup d'autres artistes qui ont été en prison, ça va faire un boom médiatique. Il va peut-être même faire un album depuis la prison, et ça va encore plus faire de lui une célébrité. Alors oui, il y a cet aspect-là des choses aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté. Evry, qui a une réaction du côté du standard. Evry, qu'on t'écoute, mec. Moi, je trouve que la loi, ils font, franchement, ils n'ont rien à faire là, du tout. Ils font ça juste parce que Kalash est très réputé. Ouais. Alors, c'est vrai que nous, on porte Kalash. Ouais. C'est vrai que très clairement, c'est celui des artistes qui a aujourd'hui, très concrètement, le haut du pavé et le mieux réussi, c'est certain. Là, il porte très très loin, tu vois, les limites de notre culture, machin, etc. Sauf que Kalash, quand même, ce dont il faut se rendre compte, c'est pas forcément un Booba, par exemple, en métropole. C'est pas forcément... Je vais dire un truc que je me déteste de dire ça, parce que moi, j'adore Kalash. Mais Booba, ou la crime, par exemple, il a eu les mêmes ennuis en fait avec la justice. Il a choisi de fuir en Thaïlande. Je sais pas ce qu'il en est resté de cette histoire. Quelqu'un a suivi un peu le dossier la crime ou pas? Il va sortir là bientôt. Alors lui, ça y est, là il est en zonzon. Ouais. Ouais, il est rentré en métropole pour se livrer aux forces de police. Il s'est finalement rendu de lui-même en fait, mais après au départ il avait commencé une espèce de fugue, une espèce de comment on appelle ça, une cavale, ouais. Où il avait fait d'ailleurs des photos en fait de lui en étant, enfin des photos de la Thaïlande pour montrer où il était en fait. En fait il avait expliqué qu'il avait des projets en cours, des projets au niveau de la musique. Et qu'il voulait pas... Il voulait terminer d'abord ses projets avant de rentrer en métropole et d'être immobilisé. Aujourd'hui, c'est vrai que la justice, la situation, les tensions font que les attentats augmentent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, avoir une arme, ça veut pas forcément dire que tu vas t'en servir, mais en même temps, si c'est régi par une loi et que tu ne t'y plies pas. Si aujourd'hui tu possèdes une arme, mais que ce n'est pas selon la loi, à un moment ou à un autre, t'es censé, Evric, écoper d'exactement la même chose que n'importe qui ferait la même chose. C'est pas une question d'artiste, c'est pas une question de quelqu'un qui est plus en vue que d'autres, c'est une question de tout le monde est égal devant la loi, en fait. Je suis d'accord. Mais imaginons que... Oubliez que c'est Kalash. Imaginons que c'est le fils de Beaucourt. Est-ce qu'il n'aurait jamais fait appel? Alors, moi, je pense que, en fait, qui que ce soit d'autre que Kalash, ça aurait peut-être pas été aussi médiatisé chez nous. Mais la vérité, c'est que cette histoire n'est pas médiatisée non plus en métropole. Elle se connaît du milieu. Elle se connaît de nous et des gens qui sont sensibles à Kalash. Mais aujourd'hui, il est clair que n'importe... Comment s'appelle Anne Coudray, là, la meuf de TF1, là? Anne-Claire Coudray. Ouais, Anne-Claire Coudray, là. Il est sûr que la nana, à aucun moment, elle va ouvrir son journal de TF1 pour dire... Nous avons appris qu'un artiste martiniquais d'origine qui aurait le vent en poupe est inculpé et surtout l'objet d'une instruction judiciaire à propos d'une détention et un port d'armes illégal. Non, ça j'y crois pas. Ça j'y crois clairement pas. 0820 203 200 également sur le net www.trace.fm. Aujourd'hui, cette information elle résonne beaucoup pour nous parce que Kalash est quelqu'un d'important. Il est quelqu'un d'important pour nous. Il faut qu'on continue d'ailleurs à faire en sorte que ce soit quelqu'un d'important pour nous parce que c'est comme ça qu'on le porte vers d'autres horizons. Maintenant, est-ce que de la même manière, on est censé tout lui laisser passer? Sabri va nous rejoindre dans un petit instant. Lilou, tu voulais rajouter un truc. Finalement, tu en penses quoi, toi, de ton point de vue du droit, de ce que t'as appris, en fait? Tu penses qu'il ferait mieux d'accepter ces 1 an avec 6 mois de sursis et 6 mois de ferme? Il y a aussi un stage, j'ai cru comprendre, de citoyenneté. C'est quoi le stage de citoyenneté? En fait, c'est pour prouver qu'on est de bonne foi. C'est le même principe que les stages pour récupérer les points au niveau du permis. D'accord. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il va faire un stage pour prouver qu'en fait, il a pas de mauvaises intentions et qu'il est un bon citoyen français. C'est quoi. C'est ça. Ok. Hashtag #97. Hashtag... Après, moi, ouais. Vas-y. Après, moi, mon avis, c'est que là, ça va passer en cour d'appel, tu vois. Après la cour d'appel... son seule voie de recours, c'est la cour de cassation. Et après la cour de cassation, concrètement, tu peux plus rien faire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si ça passe en cour de cassation, au bout d'un moment, on arrêtera de repousser l'échéance. Il faudra consommer le verdict qui tombera, quoi, en fait. La cour de cassation. On t'entend plus, Lilou. Alors, c'est peut-être à cause des intempéries. Vas-y, Lilou, redis-nous. Je disais, après, ce que va dire la cour de cassation sera irrévocable, en fait. La cour de cassation a le dernier mot, en fait. Ok. Aujourd'hui, de ton point de vue, juste on parle justice, on parle droit, on parle légalité, machin, etc. Aujourd'hui, finalement, ce que le procureur requiert contre lui, c'est-à-dire 6 mois de sursis et et 6 mois de ferme, c'est pas si grave par rapport à ce qu'il pourrait endurer si véritablement on appliquait le texte à la lettre ? Non, pas si grave. Après, ça dépend. C'est mis aussi en tempérance avec les circonstances, avec les antécédents. Il a déjà eu des déboires avec la justice, etc. Ah, c'est compliqué, hein. On se rappelle tous de cette histoire avec Jessica Campbell, Admiral T aussi. Enfin, ça dépend ce que tu appelles démêler avec la justice, quoi. Mais à partir du moment où tu as déjà des démêlés avec la justice, même pas forcément pour des faits similaires, hein, mais le fait d'être connu des forces de l'ordre, pas en tant que victime, mais en tant qu'accusé, ça ne joue pas en sa faveur. Hashtag G97, hashtag TraceFM, vous réagissez également sur les réseaux sociaux. Ouais, on a T-Weezer qui dit tout ça, on appelle ça des haters, c'est des jaloux en fait qui veulent le voir tomber, Kalash. On a Mélinda qui nous rejoint, elle est à Saint-Laurent du Maroni. Mélinda, bonsoir Mélinda. Allô, allô, tu m'entends? Il va falloir que tu parles bien fort Mélinda, s'il te plaît, dans le téléphone. Tu m'entends? Oui, je vous entends. D'accord, ok. Mélinda, tu voulais réagir par rapport au dossier Kalash? Oui, c'est pour dire que je le soutiens. Allez, quand je te dis qu'il faut que tu parles plus fort, faut que tu parles plus fort, hein, chérie. C'est pour dire que je le soutiens et qu'il devra accepter un non. Tu penses qu'il devrait pas aller plus loin? Tu penses qu'il devrait pas continuer à se battre, en fait, qu'il devrait céder à ce verdict qui a été qui a été énoncé ce matin? Alors tiens, que je dise pas de bêtises, Lilou, quand on requiert contre lui un an, donc 6 mois ferme et 6 mois de sursis, ça veut dire que s'il a pas fait appel, c'est pas un appel qui repousse la décision au 26 octobre. C'est un appel ou c'est pas un appel qui repousse la décision au 26 octobre? Je sais pas. C'est à Lilou. Je vais pas te coller sur un truc comme ça. C'est à Lilou que je pose la question. La raison pour laquelle on prend la décision le 26 octobre, c'est parce que Kalash a fait appel de ce qui a été énoncé ce matin, Non, c'est parce qu'il y a délibération. Ça se fait pas forcément en un jour. D'accord. Ok. Donc on va faire appel d'un appel. On se pourvoit en cassation après un appel. D'accord, donc il faut d'abord, par exemple, que éventuellement, dans un mois, on lui dise, bon bah c'est bon, on est décidé, vous faites un an, machin, etc., pour que lui fasse appel de nouveau, ou c'est déjà trop tard, en fait? C'est trop tard? Non, c'est pas trop tard, il peut encore se pourvoir en cassation. Ok, hashtag G97, hashtag TraceFM. Mélinda, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre à propos de ce dossier Kalash? Toi, il t'inspire quoi, Kalash? Il m'inspire de beaucoup de choses. Il t'inspire quoi, pardon? Je comprends pas tout ce que tu dis. Ne souffle pas dans le téléphone. Ouais. C'est Imuna Dark Vador. Mélinda, on t'écoute, Mélinda. Ok. M'inspire de beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on est en mode talkie walkie, les gars. Mélinda, on t'entend pas! Je suis là. Oui, là c'était clair. C'était allez, clair. Vas-y, continue. Il m'informe de beaucoup de choses et Alors, il n'y a pas de mauvais temps en ce moment à Saint-Laurent-du-Maroni. Il pleut ou pas à Saint-Laurent-du-Maroni? Non. Eh ben, écoute, j'ai presque envie de te dire que c'est le même réseau, hein. Que quand il pleut, par contre, en Martinique ou en Guadeloupe, on n'entend pas très très bien ce que tu dis, Mélinda. Faut pas de haut-parleur, pas de kit manip. Faut bien que tu parles dans le téléphone, s'il te plaît. On a Evric qui revient entre temps, le temps qu'on règle ça du côté du standard. Salut Evric, tu voulais rajouter quelque chose, mec? Yes. Excuse-moi, madame, ça a coupé. Hein? Non, c'est Lilou. Je veux donc que la loi. Je suis d'accord qu'il faudrait que tout le monde ait le même jugement. D'accord. Mais je suis sûr, moi, personnellement, qu'il a fait appel pour que Kalash ait 5 ans. Juste parce que c'est Kalash. Pour toi, il n'y a aucune autre excuse, en fait, selon toi, il n'y a aucune autre raison que le fait qu'il a une tête à abattre et autant que possible qu'elle soit exposée, parce que ça va donner une leçon à tout le monde. C'est ça? Mais c'est parce qu'il a bien dit que son arme, c'est parce qu'on l'a menacé. Si on l'avait pas menacé, je suis sûr qu'il n'aurait pas eu d'armes. Bon, j'ai dit ça, je sais pas, mais je suppose qu'il n'aurait pas eu d'armes à feu chez lui. On a Julie qui rajoute « J'aime vraiment le personnage de Kalash, j'aime sa musique, mais je ne connais pas tous les dessous de l'histoire, donc à aucun moment je ne peux crier Free Kalash. » Est-ce que toi, par contre, Evric, peu importe, quel que soit ce que tu puisses apprendre, est-ce que tu es en mode free Kalash? Yes. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que moi, si je fais l'effort, et on a Sabri qui va nous rejoindre dans un petit instant du côté du standard, et je pense qu'il partage ce point de vue, mais si je fais l'effort de me mettre à la place de quelqu'un qui est menacé, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. À un moment ou à un autre, tu as envie d'être protégé, tu as envie de te sentir protégé. Est-ce que c'est la meilleure solution? Évidemment que non. D'avoir une propre arme, à un moment ou à un autre, d'avoir ta propre arme, c'est un danger de t'en servir, et malheureusement que ça te retombe dessus. Mais je peux comprendre ce que c'est que de se sentir, tu vois, par exemple, menacé, agressé par quelqu'un, machin, etc. Et d'avoir envie de tout faire en sorte pour ta sécurité. Je sais pas, ça t'est déjà arrivé ou pas, Hugo, toi, de te sentir menacé? Bah ouais, forcément. Et alors, tu vois, ça me rappelle ce sujet qu'on avait à propos de la violence il y a 15 jours ou 3 semaines avec Johan. C'est, on discutait, je sais plus avec qui, quelqu'un qui nous disait que lui, il allait au lycée avec un couteau. Vous vous rappelez de ça? Et en fait, le mec, il allait avec un couteau, pas forcément dans l'intention de s'en servir, mais le risque, c'est qu'effectivement, un jour, il pourrait le sortir et s'en servir. Je peux comprendre qu'il y ait des choses qui rassurent chacun d'entre nous, et c'est pas forcément ni cohérent, ni au regard de la loi, machin, etc. C'est vrai que détenir une arme aujourd'hui, sans en avoir le droit, on s'expose à des problèmes. Ouais. Mais il y a, on a l'impression qu'on vit dans un Far West. On a l'impression qu'effectivement, moi ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'on chope Kalash et qu'aujourd'hui, on n'emmerde pas. C'est qui chantait Kalashnikov justement le titre? C'était Gradure ou c'était c'était pas Gradure. Je pense que c'était Caris. C'était Caris. C'est-à-dire que concrètement, dans son clip, il peut mettre en avant des Kalash. À ce moment-là, effectivement, peut-être que pour Caris à l'époque, il n'y a pas les attentats. Entre temps, il y a les attentats qui sont passés. Ça veut dire qu'ils sont super soupe au lait, super vigilants sur plein de trucs. Ok? Aujourd'hui, je ne sais pas si Kalash est fiché S, et je ne sais pas s'il le sera, c'est pas ce que je veux dire. On le connaît, je pense, suffisamment pour savoir, nous, qu'il n'a pas d'intention d'acte de terrorisme et tout. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la situation n'augmente pas la gravité de son acte, en fait? Je pense que c'est la situation. Ouais? Je pense que c'est ça. Hein. On a 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm par texto. Vous envoyez trace subite de votre message au 97 000, vous postez vos réacs également. Alors il y a Yanou, elle est même pas bloquée sur Kalash, elle débarque en free lacrime. On a Ashley qui nous rejoint, vos avis 0820 203 200 également sur le net, www.trace.fm. On va faire un petit hommage à Kalash, nous, parce qu'on aime sa musique, et à un moment ou à un autre, c'est vrai qu'il est dans toutes les conversations avec cette histoire qui l'emmène devant le tribunal. On va démarrer par un petit Tory Lanez avec Love, et puis on va revenir avec du Hey Baby Allo ce soir. Est-ce qu'on sait qui on appelle dans le Hey Baby Allo? C'est Mathias. Mathias, dans un petit instant, on nous a filé le numéro de téléphone de Mathias, on va le tester sur le Hey Baby Allo. D'ici là, c'est Tory Lanez avec Love. Tired and fell for your way, baby. I know, girl, but but it ain't a crime.

et 19h. En attendant l'arrivée de Génération 97, Hugo et Tijo Sound font monter l'ambiance. 18h, 19h, ne rate pas le before de Génération 97. 1 heure de mix mixé par Tijo Sound. Ou bien ton école, le DJ officiel de Génération 97. Génération 97, le before. En attendant ton show libre antenne, les hit traces mixés font gronder les basses toute la semaine entre 18 et 19h sur Trace FM. Trace. Premier sur les hits. Génération 97. Génération 97, la plus grosse libre antenne des Antilles Guyane. Sur Trace, on se prépare à faire un petit coup de Hey Baby Allo. On va appeler Mathias avec la voix de Kalash. D'ici là, on revient au Seki. Nessie. On cherche une star locale, nationale ou internationale. Il y a des cadeaux à gagner. Nessie, rappelle-nous les indices. Alors, je suis un acteur britannique. J'ai souvent tourné dans des films et téléfilms en rapport avec la magie. Je me suis particulièrement fait connaître à l'âge de 11 ans en tournant dans une saga au cinéma. Qui suis-je ? On a Anthony qui nous rejoint du côté du standard. Salut Anthony. Salut. Ça va ? Ouais, ça va et vous ? Ouais, tu nous appelles d'où, Timan ? De Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Ok. Ah, c'est bien, c'est bien. Des fois que Pointe-à-Pitre est déménagé dans la journée à cause du mauvais temps. Tu sais, Pointe-à-Pitre s'est dit pitette, si mal. Guy là, pli là, si mal. Bah, bah, je vais, du coup, je vais me mettre à Cuba. Pointe-à-Pitre à Cuba. Pointe-à-Pitre à Cuba, parce que, merci de préciser, hein. Pointe-à-Pitre reste fidèle, quoi qu'il arrive, malgré le mauvais temps. Ça va chez toi ? Merci. Pas de dégâts, c'est juste une petite pluie, non, quoi. Ça va. Ouais, c'est. Pour le moment, ça fait comme une clim dehors, mais ouais. Ça va. Et tu as vu Amada, si mal. Non, pas encore. Tu as pas vu Amada là, sur les WhatsApp là, comment ça tourne, mec ? Il y a même des arbres au milieu de la route, il y a des gens kayak, des gens qui ont sorti leurs trois moteurs Mercury, tu sais, derrière leur bateau pour traverser l'avenue principale de la capitale. Ouais. Quand quelqu'un n'est pas informé, tu peux lui raconter n'importe quoi. Non, la situation est quand même préoccupante. Je crois qu'il y a pas mal de communes qui sont privées d'électricité, hein, du côté de la Martinique. Bon, bah écoute, on va dire Anthony, ça te profite, hein, Timal. À Pointe-à-Pitre, le réseau est stable, le temps est stable, l'électricité est stable. Ah, par contre, l'eau, ça va ? Ça va ou pas ? Merci. Coupure d'eau ? Ouais, ouais. Y'a bon. Rien pour le moment. Bon ben, tu es heureux. Bon ben, merci. Cool. Bon ben, par contre, vous travaillez demain, il n'y a rien de fermé en Guadeloupe, hein. Ben ouais. Par contre, les Martiniquais bénéficient d'un jour, je sais pas, pour ranger, éventuellement nettoyer le salon s'il a été inondé. Visiblement, les écoles, c'est l'information, hein. Les écoles, les établissements scolaires seront fermés demain, ouais, du côté de Mada. C'est pas le cas du côté de la Guadeloupe, sauf si la situation dégénère, il faudra rester à l'écoute, notamment des différents bulletins météorologiques. Tu penses à qui avec les indices de Nessie ? Alors moi je pense à Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Et il aurait joué dans quel film ? Dans quelle saga ? Harry Potter. Ah, d'accord. C'est le personnage quoi ? C'est pas Harry Potter, c'est Harry Potter. Est-ce que c'est la bonne réponse, Nessie ? Ouais ? Oui, c'est bien ça. D'accord, ok. Il a joué dans Harry Potter et il a joué dans David Copperfield aussi. Tu sais que j'ai failli lui dire, c'est perdu, mec, on cherchait Harry Potter. Daniel Radcliffe, c'est le nom de l'acteur Harry Potter, en fait. Ouais, non, mais j'avais... Oh ! Oh ! Mais tu mérites de te prendre une inondation dans ton salon, toi, mec ! C'est pas possible, t'es pas assez occupé, tu taquines les gens, là, comme ça, on va arriver en radio à Moonlight, Radcliffe et Harry Potter, c'est la même personne. Radcliffe est simplement le personnage de la vie réelle et Harry Potter est le personnage. Voilà. Merci, grand philosophe devant l'éternel. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Anthony ? Moi, je suis étudiant. D'accord, étudiant en quoi ? En droit. Ah, ça veut dire que tu passes à la fin de l'année un concours sur la belote, le domino. Et que tes UV, tu les valides du côté de Bois-Jolan. Mm-hmm. Alors là, non. De la plage de Bois-Jolan, je dis ça, je dis rien. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que tu te fouillerais pas un peu de ma gueule ? Tu te fouilles de ma gueule ou pas ? Pas mal. Tu te fouilles de ma gueule ou pas ? Non. Bon, j'espère en tout cas que, mec, ça va aller pour la suite, frangin. Et oui. Ben, effectivement, tu repars avec les cadeaux. Félicitations. Merci beaucoup. À Hashtag G97, hashtag Trace FM. On a Laverne qui est avec nous ce soir. Salut Laverne. Salut, salut. Bonsoir. Alors c'est un prénom super original, hein, Laverne. Non mais c'est mon nom en fait. Ah, c'est ton nom de famille. Donc on est en train de donner ton nom de famille en fait à la radio. Hein. Voilà. Ah merde, c'est con, c'est trop tard. Comment tu t'appelles dans la vraie vie de ton prénom? Océane. Comment? Océane. Océane, d'accord, c'est très mignon. Tu nous appelles d'où, Océane? De Saint-Cloud, en Martinique. Comment ça va là, en ce moment, la situation? Mais ça va. Tu es bloqué à la maison, vous avez mis des cartons, du contreplaqué sur les vitres. Vous avez... Alors attention, comme elle est à Saint-Luce, je vais faire un truc un petit peu de connard. C'est bon, vous avez pensé à mettre une bâche sur la piscine pour pas être obligé de la nettoyer? Ouais, je sais qu'il y a une piscine. Ouais, vous avez mis une petite bâche sur la piscine? Hein? Non, ça va, ne vous inquiétez pas. Ça va, tranquille? Bon, ouais, et sinon, c'est le moment où on regrette d'avoir une maison au bord de la plage, non? Ben, moi, je suis pas au bord de la plage, donc c'est cool. Ah non, moi, j'habite en cité, à 150 mètres de la plage. Aussi, Anne, tu bouges pas, t'es là pour le calcul challenge. On va faire ça dans un petit instant, ma belle, bouge pas. 0820-203-200, on a du Hey Baby Allo qui se prépare. Comment vous le sentez, les gars? Hugo, on fait quoi? On le fait maintenant? Bien. Tu le sens maintenant? Ouais, allons-y. Bon, on compose le numéro de téléphone de Mathias. On ne sait pas ce que ça va donner. Ah non, Mathias, on sait ce que ça va donner. Parce qu'on l'a emmerdé pendant le match. Ah ouais. Ouais, on l'a appelé cet après-midi. Ouais, on l'a appelé cet après-midi, Mathias. Parce qu'on n'était pas sûr d'avoir du téléphone. On n'était pas sûr d'avoir du téléphone ce soir. Donc on l'a appelé avant, Mathias. On essaye. Ça, c'est le premier essai. Ça veut dire donc qu'il y en a plusieurs. Allô? Hey baby, allô? Oh bordel. C'est toujours ton numéro. Oh putain. Le truc... Attends. Je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a mis le son de Kalash là, genre. Yes, I... Et genre ça a fait hey, baby, allô. Ah, est-ce que c'est pas Nicolas? C'est pas moi. En fait, je vous ai vendu la mèche un petit peu trop tôt. C'est là qu'on a découvert exactement qu'il était en plein match. Et d'ailleurs, je pense qu'on l'a emmerdé comme il se doit. Hey baby, allô. J'ai pas fini petit peu de... Avec une fois en face. Putain, j'ai la rage. J'ai trouvé ça dégoûtant. Je n'y crée sa race. Mais tous nous niquer vos roches. Je n'y crée sa race. Pourquoi tu crois que tu commences à parler de nous? Oh putain, ils ont failli marquer là. Bref, hashtag G97, hashtag Trace FM, tout à l'heure il y a du cocoteur. Le soir, ta radio se lâche, tu peux tout nous dire. Trace FM, génération 97, ta liberté d'expression au 0820-203-200. You, you my only one, you my number one. You're one of one. I wanna go one on one with you. One on one. And I want you to want me too. You're one on one. I wanna go one on one with you. Back to the front with you. Don't let them make you regret it. They'll be fake if you let them. Don't let them make less out of something that means so much to you. I wanna make you feel comfortable. Girl, you know I fuck with you. Like summer school and Lunchables. We the untouchable, yeah. You don't have to suffer, no, yeah. I was made custom for you. Only give my love into you. You my only one. You my number one. You're one of one. I wanna go one. You can bouge so big, big box. You want so thin, slim, gonna give me lunch. Monter qui est content, ouais, mon Génération 97. Prends les marques d'over, les bois, une big, big, big, big, smack, boule, et des sages. Dis-lui, mène toutes, son copine, pas dormir, on nous garde pour nous faire un petit tour la plage. Pas de gal, pas paix, mouvant les grooves là. Poum, poum, capété, on les moun là. So bon, d'un capété, qu'on bout des champagne mouettes. C'est les gars, c'est fini, toqué, ouais. No one girl can satisfy me. Me need more fuel for the lime green. Me let no one girl can deny me. Me no see me change shiny, but why free? Me a controller, young soldier, once over. Any man a diss me, I get slumped over. Don't be scared of the thing, girl, come closer. You need to come over. Bad man, we no watch that. Even women need to watch that. I got my gun on me. If we ever need to shot that. One time, yeah, one time for the rude boy, yeah, you know that. Honey down on a new toy, yeah. We're looking for you, baby. You need somebody. Right. My AI just changed. It just buzzed the front gate. I thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lie for you. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to. Like controller, controller. Like controller, controller. Yeah. Okay, you like it when I get aggressive. Tell you to go slow, go fast. Me just the body with me shakes. Hey baby, tell me why you want for me. Tell me why you want. Elle débarque vendredi dans le Trace Studio pour G97 Live. Cécile. Tris, bust a wine for me, dilly like a bike round the corner. Boom, pack a cup, yeah, the right sweet, yeah, maha. If you love the right, me turn it up like a sauna. Tris, hold on for my body and Tris, set it. Broke off my back, yeah, Tris, if you set it. This line I wear, no, Tris, set it. Hold on for my body, hold on for my body. Love how me set it, set it, set it. Tris, if you set it, set it, set it. Roll on, set it, set it, set it. Watch how me set it. DJ Fly, he freed, hey. Everything nice, everything a plus now. Mets-moi l'ambiance, mets-moi le feu, mets basse là. On y 5 secondes pour trouver un partner. Pas moins de plus, c'est qui wine et basta. And you, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. La feo, buy snapshot na. Sinon bagay pour faire, fuck nous fait maintenant. Fais qu'on s'y pour vivre, t'es carré, t'es winette. Pas tout t'es pas quitté pour restant. Zambé, pas goumé pour pièce fang. Pas levé pour la jazz, ça qui tourne Vietnam. Belle garçon veut parfois se le vêtement. Mais toujours en mode with a bad man, toujours en mode lieutenant. Buy snapshot now. Everything nice, everything a plat now. Si nos bagay pour faire, fuck nos fame maintenant. A douze, buy snapshot now. Party queen, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. Show la pampa, show pata, show le mado. Moi, mes toutes cartes, mes zing, yeah. Moi, mes rap, moi, mes soca, moi, mes zoot, moi, mes drop. Many of mes zikarun, mes akko, pour crack. Big up, toujours ça, big bad DJ. Je veux t'en la c'est pas l'ambada. Il t'a fait ses femmes blancs cassés dans yon compa. Et moi peux passer mes messages en l'air pour parler ma peuple. Bon, mais y'a rien que son papa, mais grand young style. Nous pas qu'à parler trop, tu as baigné en drum, drum style. Là t'es un X-Men, nous bien on son l'homme pas. C'est talent, c'est pas des comics à la American Pie. On n'est pas meilleur dance hall, pas meilleur dance hall. Pas meilleur dance hall, on n'est pas meilleur dance hall. Pas meilleur dance hall. Tune, play a tune. Girl, let's have my head to be a talent. Bam, bam, bam, bam, let me tell my lalas. But I'm getting to be tight. I love bougon, j'ai pas bien whippy. What's the bass là? Et ma fait au mal, Dieu, ça tremble. Moi, la boussole a tremble. Démarré chez mes assis, ouais, qu'à trangle. Sous des yeux, son c'est ça qui tombe. Il faut ce qui angle. Me and your son, pita, let's go. Oh, you play a tune, play a tune. Me want mal and we play a good rhyme and big tune line after line. Nobody make mal and rise him nine. Shoot you up with dub in your spine. Sad sound boy, go and go use line. You not ready for this yet, you better reserve. Oh, you play a tune, play a tune. No matter diamond, play tune, play tune. Girls are juice land, land, land, abang. 30 and strong, strong. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird, weird pan, pan, pan. Bang, wedding plan me. She a weird pan. Bang, bang. Sexy and, sexy and, sexy and round. Sexy and round. Bang, bang, bang. A weird pan, she a weird pan, pan. Aki walk me, she a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. She a weird pan, pan. A key walk me, she a weird pan, pan. She a weird pan. Want a... Est-ce que t'en as une de pièce? Appelle-nous au 0820 203 200 pour l'avant-premier événement de la pièce. Dada, t'es sur Trace FM. Ooh, mini touch. Dada, t'es sur Trace FM. Big up, t'es sur Big Dada, t'es sur Trace FM. Dada, t'es sur Trace FM. Je suis la seule à vivre notre amour. Et toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour faire l'amour. Déjà, si je pars, je fais plus demi-tour. Alors s'il te plaît, dis-moi. Dis-moi pas bébé, c'est déjà moi qui va bon. Mais pourtant c'est moi ou l'est. Moi ni l'amour, ma la douée. Ou qu'a fait les yo, qu'a dit c'est moi qui mauvais. Yo dis ou pas mériter moi, c'est bon, t'es au dit pas bon. Écoutons à ton mollet, oh non. Ou qu'a l'amour, ma la douée. Ou qu'a fait les yo, qu'a dit à tout qui mauvais. Où sont ces moments où j'ai des tables magiques? Je perds mon cœur sans toi, moi. J'ai misé sur toi, moi. En mode saoulé quand tu fais le MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Si le tien est en guerre, on n'a aucune chance. Bad, bad, bad. Inna me ask me, say me dread on you, me a call when me. Ooh. on the tire. Ache sa, bien bon de fe, se domi no si yon tab. Si moun avye ne pa ka pomi sa pa si potab. Vive yon le hache de blot kepio ki oriental. Mi bad guys de an yon tout la si wotal. Ah nan, Vanessa te koupe ko yon om. Me a te fe son le se swa se so to yon poy. Ah nan, de me an jaka we pluri. Me se chak penyes nou ra pa de skis pa ou pepe. Quant a mwe, me feel so good. La fami elle est la, sa chante sa danse et puis sa boit. Quant a mwe, me feel so good. Ceux qui ne nous aiment pas font connu, ils sont toujours aux abois. Chantez comme si James Brown, James Brown, James Brown. Chantez comme si James Brown. Born in the streets looking fly with a friend on them. Smile on my face so sweet like a cinnamon. Boys wanna spend something like Mr. Benjamin. I'm eating white and white. Just sit down, me say. Trust me, not my gentleman. You're pussy, no. You know why I be my friend again. Show off your sexy, but that's irrelevant. We get y'all easy. Daddy, I bet you want to run, tell him that. That you want me be your girlfriend. Daddy, you say you just want to be my friend. Since I know you wanna. Daddy, step into the dance, I'm a spotlight president. Security on me like the president. Boys wanna undress. Yeah, boy, I know the sweet games you play. And through your heart, you get wicked from where they are. Heard it all before, so it's a bad bit fishy. On the mic, sing for the DJ. So when you see you, me, I figure you this smile. But me not gonna make no girl change me style. No girl on road can't read off me file. But a regular me do change me aisle. I bet you wanna run, tell them that you want me be your girlfriend. Génération 97. Génération 97. Le soir. Le soir. Pendant 3 heures. Prends le pouvoir sur Trace FM. Sur Trace FM, on a Laverne avec nous. Salut Laverne. Il paraît que t'es un petit peu tendu, Laverne. Allô, allô. On arrête de t'appeler comme ça. On a bien compris que c'est ton nom de famille et ça te stresse encore plus quand on le dit fort à la radio. Ça te stresse, ça te stresse. On t'appelle comment? On te donne un petit nom. Tu veux passer incognito? Maintenant? Après? C'est un peu trop tard là, non? Océane est avec nous. Yes, Océane. Hashtag G97, hashtag TraceFM, t'es là pour le Calcul Challenge. Yes, on fait ça dans un petit instant, ma belle. Juste avant, il y a les breaking news qui sont tombées. Oui. Ici, on fait un petit état. Oui. Visiblement, la Martinique paye un lourd tribut en matière de dégâts. Oui, alors sur la RD3 au Verpré, il y a eu pas mal de chutes d'arbres. Donc la circulation est difficile. Sur la RN1, il y a des arbres sur la chaussée, donc la circulation a été coupée. Sur la RN3, au Morne Rouge, pont écrevisse, chute d'arbres sur la chaussée, route praticable. Sur la RD17, au Saint-Esprit, chute d'arbres sur la chaussée, circulation difficile. Sur la RD15, à Mao, glissière plastique sur chaussée, circulation difficile. À Didier, il y a des arbres sur la chaussée. La circulation est possible, mais difficile. Sur la RD4 à Ducos, il y a au niveau du Morne Carrette, il y a deux arbres sur la chaussée, circulation coupée. À Macouba, il y a des arbres sur la chaussée. Sur la RN5 à Cocotte, il y a Ducos, Champigny, Cocotte, éboulement de terrain avec arbres. Sur la RN8 au niveau de Ducos au quartier Bac, arbres en travers de la chaussée. Sur la RN4 au quartier Rivière-Roche, il y a des arbres sur la chaussée. Il y a également sur la RN4 entre Fort-de-France et le Gros-Morne, des arbres sur la chaussée. Et donc la circulation est devenue très difficile. Ok, en même temps la circulation n'est pas recommandée en cette période d'épisode de grosses intempéries. Prenez votre mal en patience. On console nos solitudes dans un petit instant. Il y a Océane qui va tester le calcul challenge. Vous pouvez également le tester chez vous. Pour gagner des cadeaux ce soir, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de battre le record. C'est 9 bonnes réponses. 9 bonnes réponses d'affilée. 9 sans faute. 0800 22 200. Attention, on est sympa sur le calcul challenge. Ça peut être que des soustractions ou des additions. Ok, c'est très simple et on ne va pas dépasser la trentaine.

203-200. Équipe réduite ce soir à cause du mauvais temps sur la Guadeloupe et la Martinique. La Guyane n'est pas concernée, mais on est là. Lilou, Lilou, t'as trouvé ton point en fait pour être tranquille ce soir, hein, visiblement. Elle est à case, le sexe confessionnal débarque dans un petit instant. Sabri restait bloqué en Martinique, mais nous on est là, dans notre bunker trace. Rien ne peut nous arriver, mais en même temps, ça va pas nous empêcher de prendre de vos nouvelles. Quel que soit ce qui se passe de votre côté, visiblement la Martinique beaucoup plus impactée par le passage de Mathieu que la Guadeloupe, mais de fortes pluies en tout cas, qui font qu'on vous recommande de ne pas prendre la route. Somebody say Boulou. Génération 9-7. Génération 9-7. 0820-203-200. Le soir, appelle. Salut. Et balance sur Trace FM. Tout à l'heure, il y a le sexe confessionnal de Lilou. On parle de quoi ce soir, Lilou? Alors ce soir, on va parler des gens qui ont leur vie publique par, comment dirais-je, des petites apparitions coquines à l'écran. Alors, on va parler des acteurs célèbres aujourd'hui, des acteurs qui ont pignon sur rue, comme le veut l'expression, qui ont commencé par le porno, en fait. Ce que t'oses pas dire, en fait, le c'est porno super ou l'érotisme. D'accord, ok. Donc, il y a des acteurs, en fait, aujourd'hui, qui sont des acteurs super méga bankable, qui ont commencé par le porno. Et on va essayer de savoir lesquels. Vous faites vos propositions, hashtag G97, hashtag TraceFM, 0820, 203, ça sera, 203-200, pardon, ça sera dans le sexe confessionnal tout à l'heure. D'ici là, Hugo. Il y a du calcul challenge. Le calcul challenge débarque. Elle s'appelle Océane. On revient également dans un petit instant avec les cocoteurs. Mais c'est ton tour. C'est maintenant. C'est tout de suite. Le calcul challenge ou des calculs simples qui doivent être réalisés dans le bon timing. Tu es prête, Océane? Oui, excusez-moi, je t'entends pas, parce qu'il pleut assez fort, donc c'est un peu compliqué, mais c'est prêt. Soyez sympa, c'est ça que tu nous as demandé? Ouais, comme il pleut, j'entends pas très bien, donc... D'accord, ok, on va faire de notre mieux, ok? Tu veux qu'on arrête la pluie ou pas pendant le jeu? C'est vrai qu'il est sympa. Mais c'est pas possible. Alors, le record à battre, c'est 9. Ok, 9 bonnes réponses à la suite. On va d'abord tester ton tempo, parce qu'évidemment, la complication de ce calcul challenge, c'est d'être dans le bon tempo. Ok. Bonsoir Océane, comment bon, ça va? Bien, ok, le tempo apparemment tu l'as. On y va, attention. 1, 2, 3, 4. 7 plus 7. 14. 14 plus 6. 20. 20 moins 10. Pardon? 20 moins 10. À moins 8. Quoi? Ça dit de moins 10. 20 moins 10. Combien? Bon, on lui laisse une autre chance. Non. C'est flagrant là. Même si tu l'aimes bien, même si c'est ta préférée, je veux dire, aux Jeux Olympiques, ça passe pas quoi. 20 moins 10, Océane. Ah, 20 moins 10, j'entends du 2 moins 10, en fait. Donc, 2 moins 10. Ouais, ouais, ouais. Avec 10 moins 8. Donc, 2 moins 10, 7 moins 8. Excuse-moi, je suis wasted là. Je suis wasted. Et puis toi aussi, d'ailleurs, t'es wasted, tiens. Est-ce qu'on est vraiment obligé de lui donner une nouvelle chance là? C'était pas top, hein. C'était pas top, Océane. C'était pas top, hein. Mais il y a la pluie. Il y a la pluie. On va dire qu'il y a le facteur pluie. On y va. Ok. Allez, Océane, on remet ça. On y va. On remet sa dernière chance pour toi. Est-ce paré? Est-ce que t'es paré? Oui. En haut, allez! Ouais. Attention, décompte. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Calcul challenge. 2 plus 2. Allô? Oh là là là là. Bon, y a plus de chance, y a plus rien à faire pour toi. Bonne soirée! 2 plus 2, putain! C'est incroyable ce jeu qui nous rend tous couillons en fait. Le calcul challenge. Laisse-moi essayer. Vas-y. Ah moi je te fais les calculs. Allez c'est parti, on y va. Okay. J'essaye. Pour peut-être. Je joue pour Océane. Ok. Donc si Zora trouvé moins couillon, c'est pour elle. Ok. On y va. 3 plus 3. 6. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 20. Oh, mais 30, oui, 20. 30. Ah, trop tard, trop tard, trop tard. C'est bon. 32. C'est bon. Ah merde. Putain. Mais en fait, en vrai, je sais pas. À 32. 16 plus 16, ouais, 32. Ouais. Putain, mais ça va trop vite. Continue. Même joueur joue encore. Tikam. Ouais. On y va. Ok. Ah, c'est Tikam. Ah, je te pose des questions. Non. Non, c'est toi qui prends les questions dans ta tête. Ok, je prends les questions. T'inquiète, on essaie de s'améliorer quand même. C'est pas possible que le record soit hébergé autre, ailleurs en fait que dans le studio. Ouais, par un membre de l'équipe. C'est tu es prêt? Je suis sûr. Surprêt. 20 moins 10. 10. 10 plus 0. 0. 10. 0. T'as déjà perdu là. Oui. Mais en fait, je trouve que quand Hugo pose les questions, il est pas dans le tempo. Mais si, justement. Ah, ok. Oui, non, mais. Non, mais il est un peu perturbant. Laisse-moi essayer, mec. Alors, attends. On va essayer. Parce que du fait que tu sois pas dans le tempo, je pense que je suis bien en rythme là. Qu'est-ce que tu racontes, toi? On y va. Ok. 7 plus 7. 14. 14 plus 6. 10 plus 20. Oh, putain. Bon, bah, c'est pas la faute d'Hugo. Hein. On n'y peut rien. Taz, tu veux essayer? Vas-y. 1, 2, 3, 4. 10 plus 0. 10. 5 plus 0. 5. 13 plus 4. 17. 2 plus 2. 4. 3 plus 3. 6. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 7 plus 14. 21. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. 20 moins 10. 10. Putain, c'est pas mal. Ah c'est, ouais, pas mal. C'est pas mal du tout. 2 plus 3. 5. 5 plus 3. 8. 9 plus 3. 12. C'est pas mal. Ah, il est chaud. Et il gère. Ouais, hein. Ouais, il gère. 2 plus 10. 12. 1 plus 11. 12. 3 plus 7. 10. Ok, plus vite. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 7 plus 6. 13. 10 moins 0. Ben, 0. 5 plus 4. Mais non, c'est pas bon. 10. C'est pas bon, ouais. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. 10 moins 0. C'est pas bon, c'est pas bon. 10 moins 0, ça fait. J'étais trop concentré. 0, tu es sûr? 10 moins 0, ça fait 10. Wasted. Donc, personne n'a battu pour l'instant Rémi. Ça veut dire que Rémi gagne encore un cadeau ce soir. Les gars, on va pas laisser une seule personne dépouiller le stock des cadeaux. On attend que vous preniez la relève. 0820 203 200. Également sur le net www.trace.fm. Par texto, vous envoyez trace suivi de votre message au 97 000. On s'enchaîne du mix dans les tympans. Il y a du sexe confessionnal qui débarque dans un instant. Et puis il y a l'appel aux cocoteurs. Qui on appelle ce soir? On appelle un gay qui s'appelle le Versa 18 cm. Ok. Hugo s'est sacrifié encore une fois. Et pour notre plus grand plaisir. Et surtout pour notre plus grand rire. Ça sera juste après ça. Il y a un blanc dans la radio. Tijo, qu'est-ce que tu as fait là? Pour mon frère qui l'a joué la fille.

Bad girl, cabayo mal de DJs qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'air. Et si y'a des suspects, qu'on représente girl. Yo, mon nez on point, mon shape on point. Chaque côté, mon passé, mon toujours on point. La mobilité que mon gang est biché on point. Caribbean girl, I look around the town. Chaque côté, mon passé, mon toujours gangster. Bambi, y'a ça qui a pété y'a tête non-stop. Mon toujours qu'a venu que des different subs. Chaque son, mon cassotti, cabayo different tap. Gang foki, pour pas moller l'homme, mon caflasque, mon girl. Tout j'en savais qu'il y a look around the world. Pour pas moller l'homme, mon flask, mon girl, Caribbean girl, I don't call out the world. Fresh, got diamonds and pearl. Bad girl, cabayo mal de DJs qui a mal parlé, mais nous pièces pour l'air. Et si on les suspect, mon carré représente girl. Nous cabons, y'a bien les bandes en sol. Tout le monde y pull up dans nos cabas side. Nous cas amusé, y'a pas j'ai gain pièce d'or. Dans nos rivières, une côté, y'a pas j'ai gain pièce flop. Nous cabons, y'a bien les bandes en sol. Stop studying me. Tout le monde y pull up dans nos cabas side. Nous cas amusé, y'a pas j'ai gain pièce d'or. Dans nos rivières, une côté, y'a pas j'ai gain pièce. Everybody, come on your way. Trick, trick. Anybody, everybody, come on your way. Trick, trick. I drink and I drink till I fall in love. As I drink until I get drunk. I never thought that I could have drink so much alcohol. I never thought I could have drink so much rum. I never thought I would have ever end up in the mouth of a cannibal drunk. I never thought I would have ever end up on the front page of the papers. Because I'm a trick. Officiel, la Guadeloupe est toujours en vigilance orange, mais en revanche, la Martinique vient de passer en rouge. C'est ça. Donc, on vous conseille d'éviter tous les déplacements. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui ont fait leur pronostic dans la journée en disant que le rouge n'allait pas sortir finalement, machin, etc. Je pense que de toute façon, il y en a qui attendaient simplement en fait que les établissements scolaires soient pas ouverts demain ou les administrations pour suggérer un petit jour de congé. Je dis ça, je dis rien. Toujours est-il qu'il est évidemment fortement recommandé de ne pas prendre la route à partir de maintenant en Martinique. Vigilance rouge qui nous est confirmée entre autres par Princess Mayu, hashtag G97, hashtag TraceFM. Vous nous tenez au courant de comment ça se passe de votre côté. Pour l'instant, orange toujours sur la Guadeloupe et rouge sur la Martinique. On va passer en mode cocoteur, mais dans un instant, il y a aussi le sexe confessionnal. Lilou est avec nous du côté du téléphone. Salut Lilou. Salut. Alors, ce soir, dans le sexe conf, on cherche les acteurs qu'on n'imagine même pas, qui sont véritablement des acteurs célèbres aujourd'hui, mais qui ont commencé par le porno, c'est ça ? C'est ça, le porno ou bien l'érotisme. D'accord, ok, les films érotiques. Alors, visiblement, le vent s'est levé de ton côté, Lilou. On espère qu'il te permettra de faire ta rubrique. On fait ça dans un instant. Juste avant, on va appeler les cocoteurs. Explique-moi, Hugo. Bah, j'ai changé aujourd'hui. Je m'appelle pas Sarah, je m'appelle Kevin. Et je chauffe un homme, toujours. Il s'appelle Versa 18 cm. Il est inscrit sur un site de rencontre et mine de rien, il est chaud bouillant. Enfin, en même temps, Hugo, tu es irrésistible, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a Sabri qui nous rejoint également dans un petit instant, mais d'ici là, la hotline des cocoteurs débarque sur Trace. Allô? Allô, c'est Versa 18 cm? Oui, c'est qui? Ouais,

à ma chape, mais elle est capillée sous body couronne frisée. Et il peut faire dans tout sens multifonction, gal. Suive-moi par une option, gal. She ride it slow, moi savais qu'il y a action time. Il est modou vinto champion, boy. Gal, mon rêve est au fly, ouais. Quand ça tous les mots, j'en vois entouré. Non, gal, mais la relève, you know. Got the wife and wife combined with you. Send me love while you climb it. Wine it, time it. Because your pum pum ebony. Grind it, ride it, no one sign it. Because me don't know you are free. Climb it, wine it, time it. Because your body just evergreen. Grind it, ride it, no one sign it. You know if you talk or your body speak. Me say me love it when your pussy get wetter. Because you don't know that the body start get up. Beat it, you know me not let up. When the engine gear them get slick up. Penetrate all night, take off. In a day morning, you get to get the rest up. Right now, a military press up. In your whole night, make you get figure your girl is too bad, girl is too rude. Definitely feeling your attitude. Girl is too bad, girl is too rude. That's how I'ma walk on by. Relax, I wanna give you some good, good fuck. Lights, the music turned up. Pack me things, so I church me a gun. Feel life, if you turn your new car. Now let me give you some nice, nice wine. Call me her, I'm not alkaline. If that pussy I put one more time. One more time, one more time, time. Why every time when you think give me the pussy, give me the pussy, me a feel fight, yeah. Why every time when me tell yourself you take your jaws off, you feel a feel lighter, yeah. Why every time before we do it, me have to remind you why me like, yeah. Now you're different, I'm a older wife, yeah. Move you wanna make me slide inside, yeah. Give me some good, good fuck. Lights, the music turned up. Back me things in what church me, I got. Feel like you put on your name tag. Let me give you some nice, nice wine. Call me Earl and not alkaline. If the pussy I put one more time. One more time, no, one no, more no. Time. I no need to worry. I clean life and do a liberty straight. I no need to worry. No curses and now follow me. Hey, no, no, no. I don't need to worry. My mommy, I pray for me. Every night, I no need to worry. But I listen to him. I no need to worry. So what I know. Me not go follow. None of the trends, them. I kill myself with the bends, them. Tell all I get to you from the end. Don't with these patience, them. If you are you playful, you can't be ungrateful. Stand firm. Girl, I know the baby where you are, girl, are you good to all that way? Ball it up, you have the tight hand and it. And no sky for yourself, you be the man, no, that's straight. Till up, till up, till up, till up. Girl, I know the baby where you are, girl, are you good to all that way? Ball it up, you have the good hand. Can no sky for yourself, you be the man, no, that's straight. Till up, boy, say you're good. Hey, Shelly, your belly, my shaky, shaky like a jelly. But you still I get it, still I get your prof Sam Nelly. Still I get your king size, flat screen telly. Still I get your ring, still I get your text pan celly. Still I get your banya, still I get your money. Still I get your honey, nuff, nuff, nuff. Still you can't, Donny, Donny, Donny, Donny, Donny. I know the Donny, Donny, Donny. I know the Donny, Donny, Donny. I know the Donny, Donny, Donny. I know the Donny, Donny, Donny. I know the Donny. We a fuck. Life say me just get let down to jail. Your pussy a the liar, me body get bail. Taki a go bore you like a wall nail. Two shot of street vibes in a couple blue wheel. Blue wheel bussing a me head like on position. See the ride of the devil not feel. Yalla, yalla, inhale and exhale. She say me cocky good if me a put it past heel. Got it up with the body where you get ya. Turn it from here, turn it from back. She say me beat, beat up the pussy can't be sad. Baby, I know me do you dance. Mm-hmm. La libre antenne des auditeurs. La parole. Vous allez me coucher les Tinchan, s'il vous plaît. Oli. Les mini-justiciers. Oli. Angelo la débrouille. Oli. Sabri, tu restes avec nous, évidemment. C'est ton moment, le sexe confessionnal. On vient de passer en alerte rouge. Et on sait ouais. Que t'aimes ça. Oui, Alors on vient de passer en alerte rouge, faut le préciser, en fait c'est du côté de Mada, parce qu'on est toujours en alerte orange. Sur la Martinique. Ouais, on est toujours en alerte orange du côté de Guada. Alors évidemment tu sais, il y a les gens qui cherchent toujours la polémique en disant eh ben c'est pas trop tôt. Bref, apparemment il est évidemment hautement recommandé de ne pas prendre la route à partir de maintenant si vous êtes du côté de Mada. Ça risque d'être compliqué. Beaucoup de dégâts en fait visiblement ont été constatés qui rendent la circulation très difficile. Du côté de Mada, il est conseillé donc de rester tranquillement posé chez vous. Lilou avec nous, Lilou pour le sexe confessionnal. Et ce soir, des révélations incroyables. C'est ça. Alors on va décevoir pas mal de fans. Pourquoi décevoir? Si ça se trouve, ça va faire l'effet totalement contraire en fait. Alors moi, si tu me poses la question, qui aurait pu faire un porno avant de devenir une star de la du cinéma? À la radio, tu allais bien. Ah, oui, c'est vrai, j'allais le dire. Moi je pense que Cameron Diaz l'a fait. Tu sais pourquoi? Parce que je suis déjà tombé sur le film. Quoi? Elle a pas fait, Cameron Diaz n'a pas fait de film porno, mais elle a fait des photos SM. Je te jure que j'ai la vidéo. Non, c'était pas elle. Je te jure que c'est du porno. Mais c'est un film ou c'est juste une vidéo? C'est-à-dire en fait c'est une vidéo, un extrait de quelques secondes, en fait qui montre la nana en fait dans un film porno. Après je ne dis pas que elle se livre un acte sexuel en fait genre porno, mais en l'occurrence elle y est. Oui, clairement. Battle. Eh ben je l'ai pas trouvé. Qui a internet à portée de main là? Moi. J'ai internet dans la main. Alors tout le monde va. Internet dans la main. J'ai pas parlé de ton antenne, mec. Tout le monde va sur Tube Galore. Oh lolo, le gars nous donne le site. Mais tu sais, des fois, il y a des actrices qui ressemblent fortement. Non. Elles tournent dans des films. Je suis pas en train de te parler d'un truc genre. On te dit que c'est Rihanna dans la vidéo et c'est pas Rihanna. Je suis pas en train de te parler de ça. On va tous sur Celebrity. Attends, Tube Galore, comment tu écris Galore? Tube Galore, T-U-B-E. Plus loin, G-A-L-O-R-E. Je le répéterai pas, démerdez-vous. Démerdez-vous. Bon, j'arrive pas à trouver la catégorie Celebrity. Alors, attends, j'y passe pas. C'est bon, tu l'as trouvé, Sabri? Ouais, je sors comment regarder la vidéo. Ah ouais, j'ai vu. Ça dure 7 minutes 28, c'est celle-là? Non, mais c'est pas elle. Non. Attends. On regarde tous. Celebrity. Mais en fait, tu tapes Cameron Diaz. Oh, Cameron Diaz sex tape, les gars. Ok. Mais c'est une sex tape, c'est pas du porno. Non, c'est un film. Ah non, ça c'est le film sex tape. C'est pas de ça dont je te parle. Hey, chez qui y a la musique là? C'est chez moi, mais c'est pas elle. C'est une meuf qui lui ressemble. Je te jure que c'est elle. Je te jure que je suis tombé en fait sur la première vidéo en fait de casting de Cameron Diaz et que c'était pour un porno. Alors je ne dis pas que ce film a été diffusé. Je dis simplement à un moment ou à un autre en fait que Cameron Diaz a fait un casting pour un film porno et que la vidéo a fuité sur le web. Elle a fait un porno. Donc oui, forcément elle a fait. Donc oui, non, mais oui, mais c'est pas loin. Tu joues sur les mots. Bref, annonce-moi ce que t'as à m'annoncer. Parce que franchement, honnêtement, t'as l'air d'avoir du costaud. Alors, donne-moi. Ok. Qui parmi vous a regardé X-Files? X-Files, alors attends, putain. Alors, lequel des deux ça serait? Ça serait Mulder ou ça serait Scully? C'est Mulder. Mulder a déjà fait un porno? Ouais, en fait, il a fait une série une série en plusieurs épisodes en mode érotique, quoi. Ah, tu parles d'avant Californication, oui. Parce que je croyais que tu parlais de Californication. Ok, d'accord. Non. À côté de ça, Californication, c'est pour les enfants. Hein. D'accord, ok. Alors, évidemment, dans notre groupe, tu vas nous envoyer des images de tout ça. Quoi d'autre? Qui d'autre? Friends. Friends. Oh. Alors on cherche un personnage dans Friends qui a déjà fait du porno. Non. Alors est-ce que c'est Chandler? Non. Est-ce que c'est Monica? Non. Rachel? Non. J'aurais dit Joe. Joey. Joey dans Friends. C'est Joey. Oh putain. Ouais, il a tourné dans The Red Show Diary. Et c'est quoi The Red Show Diary? C'est un film porno. T'es sérieuse? Ce soir, genre, on télécharge The Red Show Diary et on tombe sur Joey en train de niquer. Joey ouais. De Friends. Et j'ai même pire. J'ai plus choquant. Vas-y. Ok, si je vous dis dans les années 70, Jackie Chan. Non. Tu vas et me dire que... Ça plaît, donc... Non, mais tu vas me dire qu'on voit le zizi de Jackie Chan quelque part. C'est ça. Non, mais déjà, c'est pas possible, on le voit pas. C'était une série pour adultes qui s'appelait All Family. Non. Jackie Chan. Ouais. Non. Ouais. On n'est pas fini. Ok. Attends, c'est pas parce que c'est pas long que c'est pas efficace. Eh ben... Il y a quelqu'un okay. d'autre ou pas? Rambo. Non, Stallone, j'y crois pas. Ouais, et le film, ça s'appelle Party at Kitty. Party at Kitty. Ouais. Non mais alors attends, tu parles d'érotique ou tu parles de porno là? Genre Stallone a fait un porno? Ah non, ça c'était un porno. Non. Donc on... Ah, je crois à l'autre. Le mec, j'adore les muscles de Stallone, je suis incollable. Je sais, j'ai vu. Alors, c'est... Ouais. Ok, il y a plus choquant. Aujourd'hui sénateur, avant Terminator. Aïe aïe aïe, non. Schwarzenegger. On l'a même fait chanter. Ouais, on l'a fait chanter après le premier Terminator avec une vidéo. Parce que le film n'avait pas été commercialisé. Et tenez-vous bien, j'ai vu le film, hein. Schwarzy est tout maigre dessus, pas un tête de muscle. Donc genre, les premières images en fait de Schwarzenegger, avant qu'il devienne acteur, avant qu'il devienne un petit peu plus tard en fait sénateur, il y a un film, alors c'est une sextape ou c'est véritablement un film genre avec un casting? C'est un film. C'est un film. C'est un film. Donc ça veut dire que de son propre gré, en fait, il a commencé par le porno. C'est ça. Ok. Et quand on a voulu le faire chanter, il a dit bah je m'en fous. Et d'ailleurs je pense que pour arrêter de se faire racketter, il s'est dit je vais me faire gonfler les muscles. Comme ça plus personne c'est m'emmerdera ça. Dans la rue. On a d'autres choses ou pas? Ouais, X-Men. Alors dans X-Men le film Wolverine. Ouais. Non, ah oui. Non, c'est Hugh Jackman. Non, sérieux? C'était ouais. Certes. Il a pas fait une sextape, hein. Parce que si on parle de sextape, il y a plein de stars qui ont fait des sextapes. Il y a Colin Farrell, Kim Kardashian. Ouais, Kim Kardashian, mais je parle d'acteurs, tu vois, particulièrement. Et non, c'est... moi je parle d'un des du porno. Hugh Jackman a commencé par du porno. Wolverine, le petit Wolfie. Ben voilà qui offre une perspective d'avenir à toutes les sextapes qui traînent sur le web. Ok, maintenant on va passer à Kevin Costner dans Malibu Hot Summer. C'est quoi, érotique? Érotique ou porno? Érotique. Ok. Pour Kevin Costner. Ok. Ok, maintenant le plus trash de tous. Si je te dis Véronique Jessner, ça te dit rien, mais si je te dis Julie Lescaut. Non. Ouais, Julie Lescaut elle-même a été vue dans L'été de tous les chagrins. L'été de tous les chagrins, l'été de tous les chagrines. Hein, de tous les... En fait, c'est... En fait, faut traduire, c'est-à-dire que c'est l'été de toutes les chatgrines. Putain, Julie Lescaut. C'est chaud, hein? Non. Ouais. Bon, alors, on avait appris ça, genre Emmanuel Béard, je savais. Elle a joué dans Premier Désir. Ouais. Et tu vois, il y a eu une série de téléfilms dans les années 80-90, Emmanuel. Ouais. Ouais. Devine qui c'est qu'a joué dedans, Fabrice Lucchini. Oh. Ah, Fabrice Lucchini, c'est le mec super hautain là qu'on voit sur tous Maurice, les plateaux ouais. de Canal+. Ouais. Ah, bon après, je le trouve plus raccord lui dans cette ambiance, dans cette ambiance, dans cet univers. Après, je sais pas si vous connaissez dans la série Gossip Girl. Uh-huh. L'interprète de Blair Waldorf a fait des pornos amateurs aussi. Non, Blake Lively. Blair. Ah, Blair, non, Blair, d'accord, c'est l'autre. La brune qui est c'est Leighton peu... Meester. Putain, et comment... Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que dans notre groupe WhatsApp, tu fasses passer toutes les... Ah, oui. S'il te plaît, parce qu'il faut qu'on vérifie, il faut qu'on enquête, il faut qu'on fasse nous-mêmes aussi notre propre investigation. Ouais, bien sûr, il faut que tu fasses ta propre filmographie. Quoi. C'est, non, mais c'est surtout qu'il faut qu'on vérifie que ce que tu dis est vrai. Parce qu'on est quand même en train d'annoncer à la radio que des gens... Alors, c'est Lia qui dit, visiblement, Yannick est en train de récupérer de quoi s'amuser ce soir s'il y a une coupure d'électricité. On a tous pensé à la même chose. Mais oui, Célia, j'assume. Bon, il y a plein de gens qui sont choqués et surtout visiblement les gens. Alors, on vous demande lequel est le plus choquant. On a Ashley qui vote pour Jackie Chan. Je vais pas tout regarder, hein. Ah oui, Jackie Chan, il était choquant. Alors, Jackie Chan, c'est choquant. Apparemment, Célia, elle est choquée par Joey de Friends. Jackie Chan, c'était dans les années 70, après, tu vois, donc... Ouais, il était très... Genre, il y a prescription, quoi. Dans les années 70, il y avait plein de poils, on voyait pas son zizi, il est asiatique, rappelez-vous. Bref. Sylvester Stallone, c'est chaud. Sylvester Stallone, ça doit être un peu chaud, là. Du coup, on vous a donné des petites activités, là, pour ceux qui ont envie de rigoler, là, en fin de soirée. Merci les loups, merci Sab, merci tout le monde, merci Hugo. Merci Yannick. Merci Tijo. Merci également Tikam derrière le standard. Merci Taz également de l'équipe de nettoyage de la radio qui est restée bloquée à la radio avec nous ce soir. On se retrouve demain, même heure, même antenne, ici même sûr. Bonne soirée tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao. It's about that time. What time is it? I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket.